إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. On commence donc aujourd'hui notre troisième jour dans l'explication du livre Al-Usul Sitta du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, avec les explications du Cheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymeen. Avant de commencer, je veux juste faire un résumé de qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à date. On a terminé trois parmi les fondements des six fondements de Al-Usul Sitta. Le premier au sujet de l'ikhlas, le deuxième au sujet de l'ordre d'être uni et de ne pas se diviser, le troisième au sujet de l'obéissance aux dirigeants. Et dans le deuxième et le troisième, il y avait une tatimma, hein, c'est-à-dire un complément qui a été ajouté à la fin des deux premiers fondements. Pas des deux premiers, mais du deuxième et du troisième. Et je croyais que ces compléments-là étaient, faisaient partie des explications de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen. Toutefois, en vérifiant avec une autre version du livre que j'ai à la maison, j'ai constaté que ces compléments-là ne font pas partie des explications du Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, Mohammed Ibn Salih Al-Uthaymeen, mais plutôt ce sont des explications complémentaires qui ont été données par le Cheikh Raslan Rahim Hafizahullah Ta'ala, parce que c'est une version du Sharh de Cheikh Mohammed Ibn Salih Al-Uthaymeen qui ont des commentaires de Cheikh Raslan. Et il y a donc ces deux compléments-là. Mais de toute façon, c'est des compléments qui ont été très bénéfiques. Et c'est peut-être pour cette raison qu'on est encore rendu au quatrième fondement, parce qu'on devait faire deux, chaque jour deux. Et on n'a pas eu le temps de faire deux chaque jour. Donc aujourd'hui, on va faire trois, Inch'Allah. Dans les trois fondements qui restent, il n'y a pas de complément, donc c'est uniquement l'explication de Cheikh Ibn Uthaymeen, Inch'Allah, et c'est des explications qui sont résumées, donc Inch'Allah, on devrait avoir le temps de compléter tout ça avant la fin. Al-Aslu al-Rabi' Bayanu al-ilmi wal-ulama wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. C'est-à-dire que le fondement numéro 4, c'est l'explication de qu'est-ce que la science et qui sont les ulama, qui sont les savants, et la clarification de ceux qui essaient de leur ressembler mais qui ne font pas partie d'eux, hein, qui n'est pas des leurs. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit donc dans ce fondement l'explication et la clarification de ce qu'est la science et de qui sont les ulama et de ce qu'est la compréhension de la religion et qui sont les fuqaha, et de clarifier également qui leur ressemble mais ne font pas partie d'eux, C'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a clairement clarifié. Et ce fondement, on le voit clairement dans le début de Sourate Al-Baqarah, dans les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, les versets 40 jusqu'à 47, « Ô fils d'Israël, souvenez-vous de ma grâce, dont je vous ai fait part, et soyez fidèles à mon engagement, à l'engagement que vous avez pris avec moi, et moi je vais être fidèle à votre engagement. » Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala dise à la fin de ces versets, ô fils d'Israël, souvenez-vous de la grâce, de ma grâce sur vous, la grâce dont je vous ai fait part, et que je vous ai préféré parmi tous les mondes. Et donc, ça c'est pour dire, Yanni, comme on va le voir, que Banu Israël, les fils d'Israël, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la science, leur a donné la connaissance du livre. Mais on voit, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, souvenez-vous de ma grâce. Puis on a vu par la suite qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça. Ils n'ont pas été fidèles. Il dit, et cela est clarifié encore plus, par le fait que la sunna a mentionné beaucoup d'explications qui sont très claires pour le plus simple des musulmans, parmi le commun des musulmans, le commun des hommes. Et on a vu que les choses se sont transformées et sont devenues parmi les choses les plus étonnantes, les plus étranges, c'est que les choses se sont inversées. Comme on a mentionné pour les fondements précédents, le cheikh au début il mentionne comment les choses ont été clarifiées clairement dans le Coran et dans la Sunna, puis comment par la suite les choses se sont inversées, l'ignorance est devenue la science, et la science est devenue l'ignorance. Il dit que la science du Coran et de la Sunna, la compréhension du Coran et de la Sunna, c'est devenu les innovations, les bid'ah et les égarements, les dalalat. C'est ça qui est devenu la science maintenant pour certains. Et le plus, le meilleur de ce qu'ils possèdent, c'est-à-dire les gens, beaucoup d'entre les gens qui sont venus après, après les premières générations, la seule chose qu'ils ont, c'est de mélanger le vrai et le faux, de couvrir le vrai par le faux et le faux par le vrai, de confondre la vérité et le faux ensemble. Et il dit que la science que Allah subhanahu wa ta'ala avait ordonnée à la création et qu'il a glorifiée, personne n'en parle, personne ne la mentionne excepté celui que ces gens-là considèrent comme étant un hérétique ou un fou. Et celui qui critique et qui condamne ce qu'ils font, eh bien ils le classifient et ils ont de l'animosité, ils s'opposent à lui, ils ont de l'animosité contre lui, ils le classifient, ils vont l'avertir contre lui et ils vont interdire aux gens de prendre de lui de sa science, ou bien plutôt le contraire, celui dont on doit mettre en garde et celui dont on doit interdire, c'est lui que les gens considèrent comme étant le savant et celui qui a le fiqh. C'est pour dire qu'avec le temps, les gens se sont éloignés de la vérité et c'est devenu, les choses sont devenues inversées. Le vrai est devenu le faux, le faux est devenu le vrai, le savant est devenu pour eux l'hérétique et l'hérétique est devenu pour eux le savant. Le cheikh Ibn Uthaymin, il explique ça. Il dit, l'explication de ce que veut dire le cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab quand il dit l'explication de la science et des savants, de la compréhension du fiqh et des fuqaha. Il dit que quand on parle de la science, ici on parle de la science de la sharia, la science de la religion, de la révélation. C'est-à-dire la science que Allah a fait descendre. sur son messager, sallallahu alayhi wa sallam, les preuves et la guidance qu'il a donnée à son messager. Et quand il glorifie la science, c'est cette science-là qu'il glorifie. Hein? C'est cette science-là qui est glorifiée dans le Coran. La connaissance de la révélation, la science de la religion, la science de ce que Allah a révélé aux messagers dans le Coran et dans la sagesse, al-hikmah, qui est la sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 9 dans Surat Az-Zumar, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Dit, est-ce qu'ils sont égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Uniquement ceux qui détiennent la raison, l'intelligence, réfléchissent et se souviennent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui pour qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit également dans un autre hadith, إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحد وافر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les prophètes, ils n'ont pas laissé en héritage des pièces d'or ou des pièces d'argent, mais ils ont laissé en héritage le savoir, la science. Alors celui qui prend cette science, il a pris la plus grande part. Et il mentionne également, il dit, qu'est-ce qui est connu, c'est que ceux qui ont hérité de cet héritage des prophètes, qui est la science de la charia, ce sont bien entendu les ulama. Il dit, malgré ça, on ne nie pas qu'il y ait d'autres sciences qui puissent être bénéfiques en dehors de la science de la charia. Mais par contre, ce sont des bienfaits, les sciences en dehors des sciences religieuses, ce sont des sciences dans lesquelles il peut y avoir un bienfait, mais c'est comme une lame à deux tranchants. C'est comme une lame à deux tranchants. Si elle aide à l'obéissance d'Allah et à défendre la religion d'Allah et que les gens en profitent, alors dans ce cas-là, c'est un bien. C'est un bienfait, quelque chose de profitable. Et certains d'entre les hommes de science ont mentionné que d'apprendre ces genres de techniques, ces genres de savoir-faire, que c'est une obligation pour le nombre suffisant. C'est-à-dire que s'il y a un nombre suffisant de musulmans qui l'ont appris et qui sont capables de le faire, de faire ces choses, ces techniques-là, comme la médecine, l'ingénierie, des choses comme ça, s'il y a un nombre suffisant qui le font, alors dans ce cas-là, c'est pas obligatoire pour le reste. Mais ça encore, c'est une question sur laquelle il y a des divergences. C'est-à-dire que certains des ulama considèrent non, que ça ne fait pas partie de qu'est-ce qui est fardu kifaya. Ils ne considèrent pas que ça fasse partie de ce qui est fard kifaya. Et donc il y a divergence là-dessus. Mais de toute façon, le cheikh dit, ala kulli hal, la science sur laquelle il y a des éloges dans la révélation, et que ceux qui cherchent cette science sont glorifiés par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la compréhension du livre d'Allah et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que tu trouves parfois chez certains, parmi des catégories de hizbiyin, qui eux ne font l'éloge de la science que de la science de la dunya seulement, et qui dénigrent la science de la religion, du Coran et de la sunna. Quand il parle du fait de connaître le Coran, de connaître les hadiths, de comprendre la religion, le fiqh, le hadith, le tafsir, et le plus important, bien entendu, la aqidah, ça, ils en parlent avec dédain, comme avec mépris, comme si c'était rien, alors qu'ils parlent de religion, Allah al-Musta'an. Alors ça, c'est yani, à l'opposé. Par contre, quand il parle de médecine et des sciences modernes, ah, ça, pour eux, c'est les éloges et la glorification. Et bien entendu, ils vont toujours encourager les jeunes à faire des hautes études dans ces choses-là. Mais en ce qui concerne la charia, au contraire, ils vont les décourager hein, à se lancer dans ce genre de branche, alors que c'est la chose la plus noble que quelqu'un puisse hein, acquérir. Et le cheikh, il dit donc que la glorification qui est mentionnée dans les textes du Coran et de la Sunna au sujet de la science et de ceux qui cherchent la science, c'est la science du livre d'Allah et de la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui est en dehors de ça, si c'est un moyen vers le bien, alors c'est bien. Et si c'est un moyen vers le mal, alors dans ce cas-là, c'est mal. Hein? Et si ce n'est pas un moyen ni vers le bien ni vers le mal, alors dans ce cas-là, c'est une perte de temps, une distraction inutile. D'accord? Parce qu'on sait, les sciences actuelles, les hommes, parfois, en particulier les koufars, hein, ils ont créé, ils ont inventé toutes sortes de nouvelles inventions, toutes sortes de nouvelles choses qui sont bénéfiques. Mais en même temps, ils ont inventé toutes sortes de choses aussi qui sont très mauvaises pour les hommes, qui ont fait beaucoup de tort, beaucoup de destruction, beaucoup de pollution, hein, et qui ont créé beaucoup de mal à l'humanité. Et jusqu'à maintenant encore, on entend tous les jours des choses qui découlent des effets néfastes de ce qu'ils ont inventé. Hein? Donc, en réalité, c'est important de comprendre que ces sciences-là de la dunya, elles sont bénéfiques à condition qu'on les utilise dans le bien et qu'elles deviennent un moyen vers le bien. Mais si c'est pour la destruction et le mal, alors à quoi ça sert, hein? Excepté le mal. Et le cheikh dit donc que la science, elle a de grands mérites. La science, elle a de grands mérites. Et c'est triste et c'est dommage que parfois on remarque chez les jeunes, et en particulier j'ai remarqué ça aussi ici au Canada, hein, que beaucoup de jeunes musulmans, ils ne donnent pas d'importance à la science de la charia et à l'apprentissage de la religion. Par contre, dans certaines régions, dans différents pays, il y a parfois des jeunes qui sont très motivés et qui sont très sérieux dans la quête du savoir de la religion et de l'apprentissage, et ils font des efforts immenses hein, pour essayer de l'acquérir, cette compréhension, cette connaissance. Tandis que ici j'ai remarqué malheureusement que certains ont beaucoup de paresse et sont désintéressés même à faire des efforts dans ces choses-là. Et c'est pour cette raison-là que la da'wa, elle est faible. Hein? C'est pour cette raison-là que la da'wa, elle est faible. Hein? Tandis que lorsque les jeunes se tournent vers le savoir et la science et qu'ils cherchent le ilm, hein? Et bien à ce moment-là, la da'wa, elle devient forte. Et il y a une relève hein, pour continuer la da'wa. Ici, les gens, parfois, ils dépendent sur une personne. Ils disent, ah, un tel, il a étudié, il nous donne des cours, ça suffit. Hein? Ça, c'est lorsqu'ils viennent au cours. Et sinon, ah, yani, lui, il donne des cours, ça suffit, nous, on peut s'asseoir, juste on profite. Et qu'est-ce qui va arriver si lui, il meurt, si lui, il part? Hein? Vous allez faire quoi? Rester comme ça, les bras croisés? Il faut qu'il y ait une relève. Il faut qu'il y ait des jeunes qui partent, eux aussi, pour étudier, pour revenir par la suite enseigner aux autres. C'est comme ça. Hein? Donc il faut toujours qu'il y ait hein, une rotation là, et que les jeunes se motivent et se mobilisent pour apprendre leur religion correctement et fassent des efforts pour l'apprendre. Hein? Apprendre l'arabe, apprendre le Coran, apprendre la sunna, hein? Comprendre les principes et les différentes sciences islamiques, les sciences du hadith, les sciences du tafsir, les sciences du fiqh, les sciences de yani, usul, tout ça c'est important. Et donc parmi les mérites de la science, il y a des mérites très grands de la science. Minha, hein, parmi ceux-ci, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé les gens de science dans l'au-delà et dans la vie d'ici-bas. Il les a honorés et les a élevés en degré. En ce qui concerne dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala les élève en degré selon hein, ce qu'ils ont fait comme da'wah à Allah, comment ils ont invité à Allah et comment ils ont appliqué la science qu'ils ont appris. Tandis que dans la dunya, Allah les élève parmi les serviteurs selon ce qu'ils ont établi de la science qu'ils ont. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans Surat Al-Mujadala, le verset 11, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah subhanahu wa ta'ala élève ceux d'entre vous qui ont cru et hein, qui ont détenu la science, qui ont reçu la science. Il les élève en degré. يَرْفَعِ اللَّهُ يَرْفَعِ يعني il élève الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ hein, ceux d'entre vous qui ont cru وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ceux qui ont à qui on a donné la science. Yarfa'uhum darajat, il les élève en degrés. Daraja, darajat, le pluriel, il les élève en degrés, c'est-à-dire plusieurs degrés, ils s'élèvent en degrés, hein, des multiples degrés. Le cheikh, il dit ensuite, parmi les mérites de la science également, c'est que la science de l'islam, c'est l'héritage du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, donc, comme on l'a mentionné dans l'introduction, que les prophètes, ils n'ont pas laissé en héritage des pièces d'or ou des pièces d'argent, mais ils ont laissé en héritage la science. Celui qui apprend cette science, il a pris la part la plus importante. Hein? Donc ça, c'est un honneur de pouvoir obtenir la science. Parmi les salafis, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, il disait une fois aux gens dans le souk, dans le marché, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites ici? L'héritage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est en train d'être distribué dans la mosquée. Alors tout le monde sont partis en courant dans la mosquée pour aller recevoir l'héritage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils s'attendaient à trouver de l'argent qui se fait et qui se donne. Puis quand ils sont arrivés dans la mosquée, ils ont trouvé des gens assis en train d'étudier. Alors ils sont ressortis pour aller voir Abdullah ibn Abbas. Ils ont dit, ya ibn Abbas, on est rentré à l'intérieur de la mosquée, on n'a pas trouvé d'héritage qui se donne, on n'a pas trouvé d'argent, rien. Il a dit, vous n'avez pas vu les gens qui étudient la religion? Ils ont dit, oui. Ils ont dit, mais c'est ça l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc les gens aujourd'hui, c'est ça malheureusement, Allah musta'an, ils ne réalisent pas. Et il dit, et parmi les mérites de la science, c'est que c'est une des choses qui va rester avec l'homme, même après sa mort. Par contre, l'argent et les autres choses de la dunya, ça ne reste pas avec toi quand tu meurs, tu ne l'amènes pas avec toi ton argent, même si tu es millionnaire, même si tu as des milliards. Hein? Tu vas les amener dans ta tombe, toi, tes milliards? Hein? T'as des lingots d'or, tu vas les amener avec toi dans la tombe? Hein? Même si tu les amènes dans ta, tu les fais enterrer avec toi. Hein? Il y a des gens qui vont venir les prendre pendant la nuit. Ils vont déterrer ça, ils vont en profiter. Hein? Donc, ça, c'est une chose qui reste après ta mort, c'est la science. Et l'exemple de ça, c'est ce qui est mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par l'imam muslim. إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Il dit, quand le fils d'Adam, le serviteur, il meurt, il y a toutes ses œuvres sont arrêtées. Toutes ses œuvres, les bonnes œuvres qu'il fait et les bonnes choses qu'il faisait, hein, ses prières, son jeûne, hein, toutes les bonnes actions qu'il faisait sont coupées, ça cesse, ça s'arrête, il ne peut plus en faire, il est mort. Excepté trois. excepté trois choses. Une sadaqa jariya, hein, c'est-à-dire une aumône qu'il avait faite et qui continue à travailler pour lui même après sa mort. Par exemple, un arbre fruitier qui continue à produire des fruits après sa mort et que les gens, hein, peuvent manger, et il donne cet arbre en sadaqa aux gens après sa mort. Et bien, à chaque fois que les gens vont manger de cet arbre, il va continuer à avoir des hasanat qui augmentent pour lui. Ou bien quelqu'un, par exemple, qui a laissé un waqf en sadaqa. Supposons, il a laissé, par exemple, je ne sais pas moi, un commerce ou un immeuble en sadaqa. Puis, des gens continuent à en profiter, puis ils donnent les profits de ce commerce dans la da'wah pour le bien, pour nourrir les pauvres, pour s'occuper des gens, pour financer des écoles ou des choses de bien. Hein. Ou bien quelqu'un qui a créé une école, justement, ou bien un hôpital, ou bien des choses comme ça, une mosquée. Il a fait construire une mosquée. Et les gens continuent à prier dedans après sa mort. Ils continuent à recevoir des bonnes œuvres et des hasanat pour ces choses-là, même après sa mort. Hein? Sadaqa jariya. Ou ilmun yuntafa'u bih. Une science dont les gens profitent après sa mort. C'est-à-dire, quelqu'un qui était alim, un savant, un talib ilm, il a écrit des livres sur l'islam pour enseigner aux gens la religion. Et les gens, après sa mort, continuent à étudier son livre, comme le Cheikh Ibn Uthaymeen, comme le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, et comme les grands ulama, comme l'imam al-Bukhari, l'imam muslim. Vous imaginez les hasanats qu'ils reçoivent, hein? Jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que tu lis al-Bukhari, tu lis Sahih al-Bukhari, tu lis Sahih muslim, tu lis al-Usul al-Thalatha, al-Qawa'id al-Arba'a, Usul al-Sitta, eux, ils reçoivent des hasanats pour ça encore aujourd'hui. Dans leur tombe. Hein? Donc ça, c'est un des mérites de la science. Ou bien un enfant qui est pieux, qui va faire des doigts pour toi. C'est-à-dire, toi, tu es mort, mais ton enfant, tu l'as bien élevé, tu l'as bien éduqué. Donc quand tu meurs, lui, il se rappelle de toi et il va demander à Allah pardon pour toi. Et il va demander à Allah de te faire entrer au paradis. Puis il va invoquer Allah en ta faveur. Ça, c'est un autre exemple des choses qui restent après ta mort. Parmi les mérites de la science, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas encouragé quelqu'un à envier une autre personne, excepté pour deux grâces. La première grâce, c'est la grâce de la quête du savoir et de l'application du savoir. Et la deuxième grâce, c'est la richesse que la personne utilise avec ses biens, son argent, dans le but d'aider et de servir la cause de l'islam. Donc ça, c'est deux choses dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis à une autre personne d'avoir de la jalousie ou de l'envie. Pas dans le sens de souhaiter que cette chose-là, elle soit enlevée à cette personne. Non, dans le sens que tu dis, si j'avais la même chose que lui, j'aimerais pouvoir en profiter et faire le bien avec, comme lui, dans ce sens-là. Hein? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud, « La hasada illa fithnatayn » رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jalousie permise, excepté dans deux choses. Un homme à qui Allah a donné des biens, de la richesse, et il l'utilise, hein, dans la vérité jusqu'à sa mort. Hein? Il l'utilise dans le bien. Il utilise son argent pour toutes les bonnes causes de la religion. Alors, ça, c'est une chose que tu as le droit d'envier de la personne. Ou bien, une personne à qui Allah a donné la sagesse, c'est-à-dire la connaissance de la religion et l'application de la religion. Il juge par celle-ci et il l'enseigne aux autres. Et toi, tu dis, moi aussi, j'aimerais ça, pouvoir faire ça. J'aimerais moi aussi obtenir ça et le faire moi aussi. Mais pas dans le sens de, la définition de al-hasad, c'est yani, que tu souhaites que la grâce lui soit retirée. Non. Tu souhaites que la grâce reste avec lui. Mais en même temps, tu dis, moi aussi, je voudrais pouvoir, si j'avais la même chose, faire comme lui, hein, ou faire mieux même encore. Et dans ce cas-là, hein, avec cette intention, peut-être que tu obtiens toi aussi la récompense que lui, il obtient aussi dans ton intention, parce que tu te dis, moi aussi j'aimerais ça le faire, cette chose-là. Et la personne qui a l'intention sincère de quelque chose, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il va le récompenser pour ça. Hein? Il dit, ouais, parmi les mérites de la science, il y a que la science c'est une lumière par laquelle le serviteur, il apprend et il connaît, hein, comment adorer son Seigneur, comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et comment il doit agir et comment il doit traiter les autres, comment il doit agir avec les autres, et comment, hein, il doit se comporter dans ce chemin-là, avec science et avec compréhension. Et parmi les mérites de la science également, il y a que le savant, il est comme une lumière. Hein? Et les gens peuvent profiter justement de sa lumière et de sa science dans les questions de la religion et dans les questions de la dunya pour s'orienter et se guider dans leur vie. Et il dit que il n'échappe à personne l'histoire d'un homme parmi les fils d'Israël qui avait tué 99 personnes. Cet homme, il a tué 99. Alors, à un moment donné, comme s'il a tué 99 personnes, il a compris qu'il a fait quelque chose de mal. Alors, il cherche un moyen pour que Allah lui pardonne et pour se repentir. Alors, il cherche quelqu'un à qui il peut demander dans la religion pour savoir comment Allah va lui pardonner. Hein? Mais il ne trouve pas de savant. Alors, il demande à un homme qui fait beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes. C'est un abid, on dit en arabe. Abid. C'est quelqu'un qui est très religieux, il prie beaucoup. Il jeûne beaucoup, il lit beaucoup le Coran, peut-être, ou bien à l'époque c'était Banu Israël, peut-être il lisait la Torah. Ils font beaucoup d'ibadat, mais il n'a pas d'ilm. Il fait beaucoup d'ibadat, mais il n'a pas d'ilm de la religion. Alors il est allé vers lui et il lui a posé la question. Il lui a dit, j'ai tué 99 personnes, est-ce que j'ai droit à la repentance? C'est-à-dire, est-ce que moi je peux me faire pardonner d'Allah pour ce que j'ai fait? Il a dit, c'est grave, qu'est-ce que tu as fait? Jamais, jamais de la vie, Allah va te pardonner. Hein? Tu ne vas jamais te pardonner, tu ne peux pas te repentir de ça. C'est trop grave ce que tu as fait. Pourquoi il a répondu comme ça? Parce que c'est un abid, il n'a pas d'ilm de la religion. Il fait beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de choses de bien. Mais il connaît pas, il n'a pas d'ilm, il n'a pas étudié la religion comme il faut. Il n'a pas une bonne compréhension. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, l'homme qui a tué 99, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ben si c'est comme ça, à quoi ça sert dans ce cas-là que je m'arrête? Pourquoi je vais m'arrêter de tuer? Puisque Dieu ne va pas me pardonner, pourquoi je vais m'arrêter de le faire? Alors il l'a tué lui aussi. Ça a complété 100. Ça, avec lui, ça a fait 100 personnes qu'il a tuées. Et il a continué son chemin pour chercher un savant, quelqu'un pour lui répondre dans sa question, à savoir, est-ce qu'il peut se repentir? Finalement, il a rencontré un savant de la religion, quelqu'un qui a du ilm. Et il lui a posé la question, est-ce que j'ai une repentance? Est-ce que je peux être pardonné pour qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué 100 personnes. Il lui a dit, et qu'est-ce qui t'empêche de te repentir? C'est quoi la chose qui est entre toi et la repentance? Il n'y a rien. Tu peux te repentir si tu veux. Hein? Puis il lui a indiqué comment se repentir. Hein? Et on sait les conditions de la repentance. Hein? C'est quoi les conditions de la repentance? Vous les connaissez? C'est quoi, Abdullah? Il faut quoi? Non, c'est pas ça. Il faut d'abord réfléchir à l'acte que tu as fait. Non. Oui, ça c'est clair. La sincérité, c'est-à-dire l'intention, premièrement. Hein? L'intention, ça c'est dans toutes les adorations. Le premier, c'est quoi? Le regret. Oui, le regret, les remords. La première, après l'intention, tu dois avoir le remords. Hein? Après, arrêter de faire le péché. Mais tu vois pas, tu vas dire ah j'ai des remords puis tu continues à le faire. Non, tu arrêtes de le faire. Puis c'est quoi l'autre? C'est-à-dire la ferme détermination que tu vas plus le refaire dans l'avenir. Hein? Donc ça c'est les conditions de Tauba. Et il lui a indiqué quelque chose qui allait l'aider à se repentir. C'est d'aller dans un endroit où les gens sont pieux. Parce que des fois, les gens sont dans le mal et ils vivent dans un environnement qui est mauvais. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que ça fait en sorte que la personne, elle retourne toujours à ses mauvaises fréquentations, à ses mauvaises habitudes, et ne peut pas sortir du cercle vicieux dans lequel elle est. Mais en changeant de milieu, en changeant de quartier, en changeant de ville, en changeant de pays, hein, tu rentres dans un autre endroit. Toi, tu connais pas les gens mauvais et les gens te connaissent pas non plus. Alors, tu peux recommencer à neuf. Tu peux recommencer à zéro. Te réformer, te corriger, te changer, te repentir. Surtout si là où tu vas, il y a beaucoup de gens qui sont pieux et qui aiment le bien. Ça va t'aider toi-même à devenir meilleur. Hein? Mais si tu restes avec les mauvaises fréquentations que tu as et des gens qui t'invitent tout le temps et qui t'incite tout le temps à faire le mal, eh bien, c'est difficile pour toi par la suite de te changer, de te corriger. Donc, il lui a dit, va vers cet endroit où il y a les gens pieux, hein, et sors, va là-bas et hein, adore Allah avec eux. Et il est sorti, il est parti là-bas. Et il est mort sur le chemin. Il est mort sur le chemin. Ça c'est une. Puis finalement, les anges de la miséricorde ont pris son âme à la fin. Tout ça pour dire que ça c'est une histoire qui est très célèbre, c'est un hadith qui est très célèbre, et ça nous montre en même temps la différence entre le savant et l'ignorant. Et donc ça fait partie des mérites de la science. Et donc ça nous fait comprendre en même temps que il faut connaître qui sont les ulama aussi, qui sont les ulama. Parce que si tu ne connais pas les ulama, hein, comment tu peux vraiment profiter pour apprendre ta religion? Ce n'est pas possible. Donc il faut connaître qui sont les ulama. Hein, des gens comme ça, des fois tu leur demandes qui sont les joueurs de tel sport, hein, dans telle équipe. Ils connaissent les noms des joueurs par cœur. Hein? Il connaît les noms des joueurs. Moi, je connais les noms de un ou deux joueurs ou vedettes de sport depuis que je suis né. Il y en a peut-être quelques-uns seulement. J'ai jamais écouté de ma vie un match de sport au complet à la télévision, ni de hockey, ni de baseball, ni de basketball, ni de soccer ou football, comme vous dites. Hein? Jamais. Ça ne fait pas partie des choses qui m'intéressent ou qui m'attirent. Hein? Je trouve ça ennuyeux. Mais pour certains, yani, c'est une passion. Hein? Donc, ils connaissent le nom des joueurs. En ce moment, j'entends beaucoup un joueur qui s'appelle... comment il s'appelle? Mélé? Non? Messi. Oui, bon. Lui, c'est une vedette. Il y a Maradona. Hein? Pelé. Ah, c'est des grandes vedettes. Mais si je te demande, donne-moi le nom des ulama. Ah là, ils ne connaissent pas les ulama. Hein? Ils ne connaissent pas les ulama, les grands ulama. Cheikh Mohammed ibn Saleh, l'Uthaymin. Hein? Cheikh Abdul Aziz ibn Baz. Hein? Cheikh Mohammed Nasir al-Din al-Albani. Hein? Cheikh Mohammed Aman al-Jami. Yani, Cheikh Abdul Aziz al-Sheikh, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Il y a plein d'autres comme ça. Cheikh Mohammed Amin al-Shanqiti. Et combien d'autres? Yani, ça, c'est ceux qui détiennent l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, tu ne les connais pas? Ils sont les hommes les plus importants à connaître sur terre. Les autres là, auxquels tu donnes de l'importance dans la dunya, pose-toi la question et demande-toi, ces hommes-là, devant Allah au jour de la résurrection, ils vont te servir à quoi? De les connaître, ça va te servir à quoi? Hein? Rien. Hein? Ce n'est pas des gens même qui vont pouvoir t'inspirer ou te rapprocher à connaître Allah et à l'adorer comme il faut. Ça ne sert à rien. Tandis que les ulama, avec l'héritage de la sunna, l'héritage des prophètes qu'ils possèdent, ils sont capables de te clarifier, de t'expliquer qu'est-ce que c'est le but de ton existence. Pourquoi Allah t'a créé sur cette terre? Pourquoi tu existes? Et comment te rapprocher de ton Créateur, comment l'adorer, pour faire en sorte qu'au jour de la résurrection, tu sois parmi les gens qui vont pouvoir mériter l'honneur de rentrer au paradis et d'être épargné de l'enfer. Allah musta'an. Donc le cheikh, il dit, il faut connaître les ulama. Et pas n'importe quel parmi les ulama. Il y a beaucoup de gens qui se disent ulama. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont des vrais ulama, des ulama de la sunna. Les vrais ulama, al-rabbaniyoun, les ulama éducateurs, hein, ce sont ceux qui éduquent les hommes sur la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour qu'on puisse les distinguer, eux, ces savants éducateurs, de ceux qui essaient de leur ressembler, mais qui ne font pas partie d'eux, hein? Ils leur ressemblent dans l'apparence. Dans l'apparence, et ils leur ressemblent dans la façon de parler et dans leurs actions, mais ils ne font pas partie d'eux. Ils ne sont pas d'eux dans la sincérité qu'ils ont envers la créature, envers les hommes, et dans le fait de vouloir la vérité. Hein? Et beaucoup d'entre les gens qui se présentent comme étant des savants mais qui n'ont rien à voir avec eux, c'est des gens qui ne font que mélanger le vrai et le faux. Hein? En particulier parmi les gens de bid'ah, les gens de l'innovation et de l'égarement, qui veulent tromper les musulmans, tromper les gens et les amener vers l'égarement, Allah musta'an. Et ils utilisent des expressions, des paroles enjolivées. Hein? Ils embellissent leurs propos en disant des choses mensongères et fausses, mais en les disant d'une manière tellement bien expliquée, tellement bien ils parlent tellement bien, leur discours est tellement beau que ça donne l'impression que ce qu'ils disent est vrai, alors qu'en réalité, ils ne disent que des choses en contradiction avec le Coran et la Sunna. C'est comme le Cheikh il dit, hein, c'est comme leur parole, c'est comme des mirages. Un mirage dans le désert. Tu vois de l'eau à l'horizon, tu penses qu'il y a de l'eau, mais il n'y a pas de l'eau. Tu marches, tu t'approches, tu penses qu'il y a de l'eau, quand tu arrives là-bas, tu vois c'est du sable, en réalité, il n'y a rien. Et donc, c'est ça la réalité de ces gens-là. Ils n'ont rien, hein, excepté les innovations et les égarements que les gens pensent être de la science et de la compréhension. Alors, il n'y a rien. Hein? Et il dit, les gens, ils pensent que qu'est-ce qu'ils ont, c'est de la compréhension et de la science, alors qu'en réalité, c'est rien, excepté de, il y en a de l'égarement. Et donc, ça, c'est la parole, la signification de la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans ce fondement. Il fait allusion ici aux gens qui appellent à l'égarement et qui lancent des sobriquets contre les gens de la Sunna en les accusant de ce dont ils sont innocents. Et ça, on le voit aujourd'hui. Justement, par exemple, quand tu appelles au Coran et à la Sunna et à la compréhension des salafs et que tu mets en garde contre le shirk et les bid'ah dans la religion, là, tout de suite, ils disent, ah, toi, t'es un wahhabi. T'es sur la wahhabiya. Hein? Tu mets en garde contre les innovateurs, t'es un madkhali, t'es un jami, ou des choses comme ça. Pourquoi ils disent pas t'es un musulman, salafi, sunni, sur la vérité? Parce qu'ils veulent pas que les gens suivent ça. Si ils disent t'es un musulman qui suit le Coran et la sunna, selon la compréhension des sahaba, hein? Les gens vont savoir que c'est ça la vérité. Mais s'ils disent wahhabi, les gens ils connaissent pas, ils vont dire, ah, c'est quoi ça, hein? Pour faire fuir les gens de la vérité, ils disent ça. Alors que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il n'a rien fait excepté que d'enseigner aux gens ce qui est dans le Coran et dans la sunna selon ce que les salafs ont expliqué de la religion. Il n'a rien amené de nouveau. Et donc ça, c'est la même chose que, hein, ceux qui, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont essayé d'éloigner les gens du prophète, hein, et d'empêcher les gens de se convertir à l'islam. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des mushrikines, Abu Jahl, Abu Lahab, hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait aux gens, dites la ilaha illallah, acceptez l'islam, Allah va vous donner le paradis. Et eux, ils le suivaient derrière, ils disaient, ne l'écoutez pas, hein, ne l'écoutez pas, adorez vos idoles, continuez à adorer les statues, et adorez autre que Allah. Hein? Donc eux, ils imitent cette même attitude-là envers les gens de la sunna. Tu leur dis, suivez le Coran, suivez la sunna, suivez l'exemple des salaf al-salih. Et eux, ils disent, ne les écoutez pas, restez sur vos bid'ah, restez sur votre égarement, hein? Suivez pas la vérité, restez sur le tasawwuf, hein? Continuez à danser, à chanter, à sauter en rond dans la mosquée, Allah musta'an, comme les soufis, hein? Continuez à faire takfir des hukam, comme les khawarij, hein? Continuez à rester dans l'ignorance et parler de politique toute la journée, hein? Laissez le Coran de côté, lisez-le juste une fois par année ou même une fois de temps en temps comme ça. Allah al-musta'an, c'est ça qu'ils font. Ils éloignent les gens du Coran, ils éloignent les gens de la sunna. Non, perds pas ton temps avec ça, c'est pas important. Étudie la dunya seulement, hein? La religion, c'est pas important. A'udhu billah. Comment tu peux adorer Allah si tu n'as pas de ilm, si tu n'as pas de science, si tu ne connais pas la religion d'Allah? Comment tu veux faire ta salat? Comment tu peux adorer Allah comme il faut? Comment même tu peux aimer Allah si tu ne connais pas Allah? Hein? N'importe qui, hein? Quelqu'un, je te dis, ah, quelqu'un, aime-le. Tu me dis, c'est qui? Tu vas me demander, mais décris-le-moi, dis-moi, parle-moi de lui pour que je puisse l'aimer, pour que je sache des choses de bien sur lui. Si je te dis non, je te dis rien, juste aime-le. Hein? C'est pas possible. Il faut que tu le connaisses pour que tu puisses l'aimer. Il faut que tu le connaisses pour que tu puisses le craindre. Il faut que tu le connaisses pour que tu puisses l'adorer comme il faut. Tu dois connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu vas faire pour le connaître? Hein? Si tu ne lis pas sa parole, tu ne lis pas le Coran, tu ne lis pas les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour essayer de connaître, de découvrir qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois apprendre à connaître ton Créateur. C'est obligatoire. Et une fois que tu connais ton Créateur comme il faut, par ses noms et par ses attributs, par ses qualités de perfection, après tu dois connaître comment l'adorer, hein? comment faire pour le servir. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a tout donné. Il t'a donné la vue, il t'a donné l'ouïe, il t'a donné, hein, l'ouïe, il t'a donné l'odorat, il t'a donné tous les cinq sens, il t'a donné l'intelligence et la raison, la compréhension pour être capable de distinguer entre le vrai, entre le faux. Il t'a donné toutes les capacités, tous les moyens. Il te donne de l'air pour respirer, la lumière pour voir. Il aurait pu nous mettre dans les ténèbres, nous faire vivre dans le noir. Il y a des bêtes, il y a des animaux, il y a des créatures qui vivent dans ce monde, ils vivent dans le noir tout le temps. Ils ne voient jamais la lumière. Hein? Allah, il nous a donné la lumière, il nous a donné l'air, il nous a donné l'eau, il nous a donné des yeux, et en subhanallah, comme l'exemple, à chaque fois il y a quelqu'un qui m'avait mentionné cet exemple-là. Si je te dis par exemple, je te dis, donne-moi un de tes yeux, je te donne $1 million, tu me donnes ton œil. Est-ce que tu acceptes? Hein? T'acceptes? Hein? Un œil seulement, $1 million, je te donne. Oui? Hein? Je te demande, donne-moi ta jambe, ton pied, ta main. Hein? T'acceptes? Donc ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné ces choses-là gratuitement. Il ne t'a même pas demandé un sou pour ça. Ça veut dire, si tu dois être reconnaissant envers lui, qu'est-ce que tu vas faire? Ça ne mérite pas, ça ne mérite pas que tu dois l'adorer comme il faut, que tu dois le remercier comme il le mérite. Hein? Subhanallah, on est ingrat ou quoi? Hein? Subhanallah, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. L'être humain, il est ingrat. Et Allah lui a donné toutes les grâces, toutes les bonnes choses. Et il n'est même pas capable d'être reconnaissant et d'adorer son Créateur. Et il dit, prier 5 fois par jour, c'est beaucoup, c'est long. Ah non, 5 minutes prier, ah non. Je suis fatigué, moi je ne veux pas aller à la mosquée. Je veux rester chez moi dormir. Je veux jouer avec le PlayStation. Hein? Je veux aller jouer un match de foot. Subhanallah. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a tout donné. Il ne t'a rien demandé en retour. Juste adore-moi. C'est le but pourquoi il t'a créé. Et toi, tu n'es pas capable de faire ça? Hein? Donc ça veut dire que tu es ingrat. Tu es ingrat, ça veut dire que tu n'es pas reconnaissant. Hein? Toi, si tu donnes à quelqu'un quelque chose, hein, et la personne ne te dit jamais merci. Chaque jour, tu lui donnes quelque chose, hein, quelque chose d'un cadeau, n'importe quoi. Il ne te dit jamais merci. Il le prend comme ça. Hey, donne. Hein? Tu ne dis pas merci, toi? Non. Hein? C'est à moi. Alors que ce n'est même pas à toi à la base. Tout ce que tu as dans cette vie, c'est Allah qui te l'a donné. Ça ne mérite pas que tu le remercies. Eh bien, la façon que tu dois le remercier, c'est de l'adorer. C'est de prier. C'est de jeûner. C'est de faire les ibadats. C'est de lui obéir. C'est de t'écarter de ce qu'il t'a interdit. Tout ça, c'est des choses simples. Mais nous, on oublie. Hein? On oublie. même si on priait et on jeûnait toute la journée, du matin jusqu'au soir, on n'aurait même pas été reconnaissant encore pour toutes les grâces que Allah nous a données. Il n'y a rien qu'on peut faire qui peut être suffisant pour être réellement reconnaissant envers tout ce que Allah nous a donné. Ce n'est pas possible. Mais Allah, il est généreux envers nous. Et il est patient envers nous. Mais c'est comme on dit dans le mot d'akir. Est-ce qu'il y en a qui vont se rappeler, hein? Donc tout ça c'est pour dire yani, l'importance du ilm, hein? L'importance de la connaissance de la religion. On ne réalise pas à quel point c'est important. Regardez les gens dans l'ignorance. Si tu veux connaître un des mérites de la science, regarde les gens dans l'ignorance. Et regarde comment ils sont perdus dans la religion et dans la vie. Comment ils vivent. Et ça, c'est une des choses aussi qui te fait apprécier l'importance et l'excellence et la grâce du ilm. Tu vois les gens dans le kufr et dans le shirk. Comment ils sont perdus, comment ils adorent n'importe quoi. Vous connaissez les hindous, hein? Les hindous, ils adorent n'importe quoi. Tout ce qui bouge, ils l'adorent en dehors d'Allah. Ils prient à des rats. En Inde, ils ont des temples où ils vont pour prier à des rats. Ils ont une statue d'un rat, ils l'adorent, c'est leur dieu, le dieu rat. Hein? Et dans le temple, il y a plein de rats qui viennent. Et ils viennent, ils leur donnent de la nourriture. Hein? Parce qu'ils disent que c'est des dieux. À un tel point qu'ils ont dit qu'il y avait une infestation de rats dans cette ville. Personne ne veut tuer des rats parce que pour eux c'est un dieu, ce rat-là. Allah musta'an. Il y en a d'autres qui adorent des singes là-bas, des vaches. J'en ai vu l'autre jour, il y a un frère qui m'a envoyé cette vidéo. Ils se mettent tous couchés dans une rue, une petite rue très étroite. Tout le monde se couche sur le ventre, puis ils font passer des vaches, des troupeaux de vaches sur eux. Et ils marchent sur leur dos comme ça. Ils ont dit, si y en a un qui meurt, il va être un martyr de son dieu vache. Ça, c'est des exemples, comment des gens, dans l'ignorance et l'égarement, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils font. Ils ont une divinité, les hindous. Ils ont des divinités qu'ils adorent. Ils ont pris les parties intimes, les parties génitales de leur divinité. Ils en ont fait un dieu. Les parties génitales de l'homme, de leur dieu homme, ils l'appellent le lingam. Et les parties génitales de la femme, de leur dieu, ils l'appellent le yogi. Et il prie ça, il l'adore, hein, pour célébrer la fécondité, puis je ne sais pas quoi d'autre encore. Et il verse du lait et du miel et des choses là-dessus, puis il prie ça en dehors d'Allah. Quand quelqu'un il n'a pas l'ilm, quand quelqu'un il n'a pas le huda, la guidance, il peut faire n'importe quoi. Il n'y a pas de limite à l'égarement dans lequel quelqu'un peut aller. Donc ça nécessite de notre part qu'on dise à Allah Alhamdulillah Ya Rab ala annaka hadaytani ila l'islam, que tu m'as guidé à l'islam, que tu m'as guidé au tawhid, que je ne suis pas dans l'égarement comme ceux-là qui sont totalement égarés, qui ne savent même pas qui est leur créateur, pourquoi ils vivent, ils adorent n'importe quoi, hein. Donc tout ça, c'est l'importance du ilm. Regarde les chrétiens qui se mettent à genoux devant des croix et des statues, qui prient à Jésus, à Marie, ils ne savent même pas qui est Dieu. Hein? Les juifs, la même chose. Combien de prophètes Allah leur a envoyés? À chaque fois, ils continuent à rester dans l'aveuglement. Ils ne veulent pas accepter la vérité d'Allah. Hein? Et Isa est venu pour eux, ils n'ont pas voulu croire en lui. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, ils n'ont pas voulu croire en lui à chaque fois. Un prophète leur vient. Alors ils continuent à appliquer des lois qui ont été abrogées depuis des siècles. Et aujourd'hui, ils ne sont même plus capables de les appliquer réellement. Mais ils continuent à s'accrocher à leurs aveuglements. Hein? Et ils attendent encore un Messie, hein, qui risque de jamais venir, ou bien sinon, quand il va venir, ça va être le Dajjal. Et c'est lui qu'ils vont suivre. Donc tout ça, c'est pour nous faire comprendre l'importance du ilm. Le cheikh, il mentionne ensuite le cinquième fondement, l'aslul khamis. Bayanu Allah subhanahu wa ta'ala li awliya illah. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a clarifié qui sont ses serviteurs rapprochés, ses alliés. Ce qu'on appelle l'awliya. Et une chose est importante de comprendre aussi par rapport à ce qu'on appelle awliya en arabe. Hein? Le cheikh, il va donner la définition de qu'est-ce que ça signifie. Mais parmi les musulmans, il y a quelque chose qui s'est développé avec le temps. Et les gens ont dévié, parmi les gens de bid'a, certains ont dévié dans la signification de ce que c'est un wali. Et certains donc ont développé un système qui ressemble à celui des saints chez les chrétiens. Vous savez, chez les chrétiens, il y a un système de sainteté. L'Église catholique, ils peuvent canoniser quelqu'un. Et quand ils l'ont canonisé, ça veut dire qu'ils l'ont déclaré comme étant un saint. Ça veut dire qu'ils reconnaissent que cet homme-là, maintenant tu peux le prendre comme un intercesseur, comme un intermédiaire. Tu peux l'adorer en dehors d'Allah ou le prendre comme intermédiaire entre toi et Allah dans la prière. Et ils vont à sa tombe, ils vont l'adorer. En général, c'est le pape qui déclare quelqu'un comme étant un saint. En général, c'est le pape qui décide ça. Allah Moustan avec ses évêques. Hein? Donc tout ça, c'est pour dire qu'ils ont des saints pour ça, comme pour chaque jour de l'année, ils ont un nombre de saints. Et si tu as par exemple, il y a un saint pour les malades, un saint pour les voyageurs, un saint pour les orphelins, un saint pour je ne sais pas quoi. Si tu as un problème, tu demandes à un saint en particulier, il va comme s'il croit qu'il va t'aider. Hein? Et ils disent qu'ils sont capables de faire des miracles et des choses comme ça. Donc parmi les musulmans, il y en a qui ont imité ça. La même idée que chez les chrétiens, mais en pire encore, plus extrême. Ils les adorent en dehors d'Allah. Ils vont à leur tombe, ils font des actes d'adoration à leur tombe, ils font des pèlerinages là-bas, comme les chrétiens. Hein? Même pire encore. Donc tout ça, c'est pour dire qu'ils ont développé cette idée-là, puis ils les appellent, ces hommes-là, qu'ils adorent en dehors d'Allah, des awliya, hein? Asyad. Et ils leur donnent des pouvoirs surnaturels et des qualités divines même. Donc, ils font beaucoup de shirk avec ça. Donc, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans cet asl, il mentionne, il dit, Bayanullah, l'explication d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de qui sont ses serviteurs rapprochés, ses alliés. Et le fait qu'il a distingué entre eux et ceux qui essaient de leur ressembler parmi les ennemis d'Allah, parmi les hypocrites et les pervers. Et il suffit pour clarifier cela de citer des versets comme le verset 31 dans sourate Al-Imran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit si vous aimez réellement Allah alors suivez-moi et Allah vous aimera, c'est-à-dire suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous dites que vous aimez Allah, suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, suivez sa sunna et Allah va vous aimer. Et le verset dans sourate Al-Ma'ida, le verset 54, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Ô vous qui avez cru, » il dit ce qui signifie, « Ô vous qui avez cru, « Ya ayyuha alladhina amanu, man yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna. » Al-Aya. Donc, « Ô vous qui avez cru, celui d'entre vous qui apostasie de sa religion, sachez que Allah va faire venir un peuple qui aime Allah et que Allah aime. Ou bien que Allah aime et qui aime Allah. Le verset également dans Surah Yunus, le verset 62 et 63, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Ala inna awliya Allah لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. Ici dans ce verset on a la définition d'un wali. Qu'est-ce que c'est? Il dit certes les awliya d'Allah, ceux qui sont les serviteurs rapprochés d'Allah et les alliés d'Allah, ils n'auront nulle crainte, hein, et ils ne seront point attristés. Ce sont ceux qui ont cru, alladhina amanu wa kanu yattaqun, et qui ont attaqwa, la piété, hein. Et attaqwa c'est quoi? C'est de chercher une protection contre le châtiment d'Allah en faisant ce que Allah t'ordonne et en t'écartant de ce qu'il t'interdit, par espoir en son paradis et par crainte de son châtiment. C'est ça attaqwa, d'accord? Donc ceux qui ont cru et qui ont attaqwa, ce sont les awliya d'Allah. Puis il dit que on a vu apparaître des gens qui ont prétendu à la science, hein, et qu'ils sont parmi les guidés, parmi les hommes et les protecteurs de la religion, et qui prétendent que pour être un wali d'Allah, il faut cesser de suivre les messagers, et que celui qui suit les messagers n'en fait pas partie. Comme si ils ont inventé que pour être un wali, il ne faut pas suivre les messagers d'Allah. Et que si tu suis les messagers, tu n'es pas un wali, Allah al-Musta'an. Et qu'il faut absolument abandonner le djihad. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ordonner le bien, il ne faut pas interdire le mal, il ne faut pas combattre pour la vérité, il ne faut pas, hein, réfuter le faux. Et que celui qui lutte dans la vérité et qui fait le djihad, il n'est pas parmi les awliya. Il n'est pas parmi les awliya. Et qu'il faut absolument abandonner la foi et la piété. Et que celui qui s'accroche et qui reste sincère à la foi et la piété, il n'est pas parmi les awliya. C'est comme s'ils ont inversé complètement la définition de qu'est-ce que c'est un wali. Et c'est pour ça qu'ils ont fait même de certaines personnes qui sont des sorciers, des charlatans, hein, comme certains marabouts, hein, qui font du sihr, ils les appellent des awliya, subhanallah. Tandis que les vrais awliya al-muttaqoun, qui sont sur le tawhid et sur la sunna, qui appellent qui réfutent le shirk et les bid'ah, ils ne les considèrent pas comme des awliya, hein. C'est comme j'ai rencontré un parmi les soufis à Montréal, un petit djani. Il me dit, mon frère, il a le kun fayakun. Il a le kun fayakun. Qu'est-ce que ça veut dire kun fayakun? Ça, c'est Allah. Que quand il dit soit, c'est. Il dit, mon frère, il a le kun fayakun. A'udhu billah. Hein? Un des élèves d'Ibrahim Nias, parmi les soufis de la tariqa tijaniya. Et. Donc ça c'est parmi leurs idéologies. Allah musta'an. Donc tu vois les déviations, et ils font toutes sortes de coffres et de shirk et de bid'ah, puis ils prétendent que ça c'est des miracles, des karamat, et que si tu fais pas ce genre de choses là, alors t'es pas un wali. Ils pensent même que al-walaya c'est quelque chose qui est, c'est pas quelque chose que tu peux c'est-à-dire, c'est pas quelque chose que tu fais par rapport au fait que tu adores Allah, puis que tu t'écartes des péchés, hein, que tu restes dans la piété. Non. Pour eux, le wali, c'est quelque chose qu'ils ont hérité et qu'ils peuvent le donner à qui ils veulent. Même s'ils ne pratiquent pas l'islam. Si le wali te regarde, il dit, toi, tu es un wali. Ça y est, je te donne la wulaya. C'est-à-dire, demain, tu deviens wali. Et tous les autres, là, ils vont te suivre, ils vont te vénérer comme ça. Même si tu es le plus ignorant et le plus égaré des hommes. Et ça, tu vois ça, plein d'exemples comme ça. Allah al-Musta'an, dans les pays musulmans, il y en a des exemples de ça. Et si on vous lisait des exemples de description de certains awliya qui sont mentionnés dans les livres, comme Al-Sha'rani, dans Tabaqat al-Awliya, il a un livre qui s'appelle Tabaqat al-Awliya. Les degrés des awliya, il raconte dans ce livre-là des superstitions et des histoires à dormir debout et des histoires de fables et des mythes à propos de certains hommes et qu'il prétend que ce sont des awliya, alors que c'est des gens qui font les plus pires des perversités. Et ils prétendent que ça c'est des awliya. Allah al-musta'an. Donc on va voir des exemples de ça, inshallah. Le Cheikh il explique, il dit donc la clarification de ce que signifient les awliya par Allah, comment Allah a clarifié cela. Le Cheikh il dit, les awliya d'Allah, ce sont ceux qui ont cru et qui ont la piété, qui ont at-taqwa, et qui se sont établis et qui sont restés droits et qui se sont accrochés à la religion. Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits dans sourate Yunus, versets 62 et 63. En disant, certes, les awliya d'Allah, oh, ils n'auront aucune crainte et ne seront point attristés, ceux qui ont cru et qui ont été pieux, qui ont eu at-taqwa. Et donc, il dit que ce n'est pas tout le monde qui peut prétendre al-wilaya, et de prétendre d'être un wali, un rapproché d'Allah, un serviteur rapproché d'Allah. Il dit, sinon, tout le monde pourrait le prétendre. Mais on peut juger ou peser cette prétention par les œuvres de la personne. Si la personne, ses actions sont basées sur la foi et sur la piété, alors c'est un wali. Sinon, ce n'est pas un wali. Et donc, dans la prétention d'être un wali et de posséder cette qualité d'être un wali, al-wilaya, il y a une sorte de, c'est comme si tu étais en train de te vanter quand tu dis ça. Si quelqu'un dit, moi je suis un wali d'Allah, c'est comme s'il est en train de dire, moi je suis pieux, je suis un bon serviteur, un bon adorateur, je suis parmi les meilleurs musulmans sur terre, les meilleurs croyants. Est-ce que quelqu'un a le droit de dire ça? Est-ce que quelqu'un a le droit d'agir comme ça? Ça, c'est pas permis. Le musulman, il n'a pas le droit de se vanter de sa foi ou de prétendre à la foi et à la piété. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit même dans le Cheikh, il cite le verset 32 dans Surat al-Najm, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ne vous purifiez pas vous-même, ne vous vantez pas vous-même de votre foi, de votre piété. C'est Allah qui sait qui est le pieux. Tu ne dois jamais te penser bon, te penser pieux. Et tu dis ça aux gens, moi je suis pieux, moi je suis un bon croyant, A'udhu billah. Donc tu devrais au contraire toujours penser que t'es pas assez pieux, que t'es pas assez bon, que tu devrais être un meilleur musulman, que tu devrais essayer de faire des efforts pour t'améliorer dans ta religion et ne jamais être satisfait de ta religion et de ton niveau dans la religion. Si tu te sens satisfait dans ton niveau de religion, ça veut dire que tu as un gros problème dans ta foi. Tu as une grande défaillance dans ton niveau de foi. Donc il faut travailler là-dessus. Et il dit donc, celui qui prétend être parmi les awliya d'Allah, les serviteurs rapprochés et pieux, alors il s'est purifié lui-même, il s'est vanté dans sa foi. Et à ce moment-là, il désobéit à Allah, il est tombé dans le péché en agissant ainsi. Parce que Allah lui a interdit de ça. Et ça, c'est en opposition même avec la piété. Donc de te vanter d'être pieux, c'est en opposition avec la piété. Donc tu es en contradiction là, déjà en partant. Et il dit que les vrais awliya d'Allah, les vrais serviteurs rapprochés d'Allah, ils ne se vantent pas eux-mêmes de ce genre de témoignage. Ce sont uniquement, les awliya d'Allah, ce sont uniquement les croyants qui ont de la piété et qui établissent l'obéissance d'Allah de la manière la plus complète. Et qui essaie pas de tromper les gens en leur prétendant avoir un niveau dans la religion pour égarer les gens du sentier d'Allah, comme c'est le cas de certains. Allah al-Musta'an. Oui. Quelqu'un, yani, des fois, juste parce qu'il est descendu, il est le fils de quelqu'un qui est considéré comme étant un wali, juste parce que son père est un soi-disant wali, il croit qu'il a hérité de ça, de son père directement. Donc ton père est un wali, toi tu es automatiquement un wali. Alors les gens, ils veulent que tu le respectes comme son père est respecté, lui aussi, il doit être respecté. Peut-être que quand il descend de sa voiture, ils vont même pas le laisser toucher par terre, ils veulent le... Même sa voiture, ils vont la porter. Ils veulent pas que sa voiture touche par terre. A'udhu billah. On a vu des exemples comme ça. C'est du rouleau, de l'exagération. Des fois, les gens même, j'ai vu ça une fois, leur cher Sophie, là, qui s'assoit quelque part, une fois quand ils se lèvent pour partir, ils viennent prendre la terre où il était assis, ils mettent ça sur eux, ils touchent à cet endroit où il était assis. Hein? Vous imaginez que les gens ils agissent comme ça? C'est des musulmans. C'est des gens qui se disent musulmans, qui disent la ilaha illallah, qui agissent comme ça. Hein? Si le cheikh il est assis sur une chaise, leur cheikh soufi est assis sur une chaise, quand ils se lèvent pour partir, eux ils viennent, ils se frottent sur la chaise, ils touchent la chaise, ils pensent que dans la chaise il y a une baraka, quelque chose que le cheikh il a laissé là avec hein, en s'assoyant là-bas. Donc il vient là toucher à ça, il frotte ça, hein. Ils vont tous se battre même. Ils vont se battre entre eux pour pouvoir toucher la chaise. S'il a une canne ou quelque chose, ils vont se battre pour avoir la canne. C'est jahiliya. Il pense vraiment agir de cette façon-là pour soi-disant montrer l'amour, le respect. Mais ça, c'est du rouleau. Hein? À la limite, si c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein? Les sahaba, كانوا يتبركون به, ils cherchaient la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout de lui était béni. Hein? Sa salive, hein? Ses cheveux, tout de son corps. Mais en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui viennent après lui, parmi ces gens-là, non. Comment quelqu'un d'entre eux peut prétendre être Moubarak comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et qu'eux, ils prétendent qu'en agissant ainsi, c'est la même chose qu'avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien c'est semblable. Non, jamais de la vie. Donc, et le cheikh, il dit, ceux parmi eux qui pensent, hein, qu'ils peuvent prétendre pour eux-mêmes être des Asyad, comme ils les appellent parfois Sayyid. Dans certains pays, c'est comme ça qu'ils disent par exemple Wali. Au lieu de dire Wali, ils disent Sayyid. Et des fois, ils ne disent pas Sayyid dans certains pays, ils disent Sidi. Hein? Tu vas dans certains pays, comme par exemple, tu vas aller au Maghreb, dans le Maghreb. Toutes les villes, ça s'appelle Sidi Foulan, Sidi quelqu'un. Comme ici, par exemple, tu vois, toutes les rues à Montréal, c'est Saint quelque chose. Saint-Michel, Sainte-Catherine, Saint-Antoine, Saint-Jacques, hein, Saint-Laurent, toutes les rues, toutes les villes, dans le Maghreb, c'est la même chose. Sidi Ali, Sidi Moussa, Sidi un tel, toutes les Sidi comme ça. Pourquoi? Parce qu'eux, ils croient que dans chaque ville, il y a un protecteur. Et le protecteur, c'est le saint qui est enterré dans cette tombe. Et quand il y a une source d'eau quelque part à côté de la tombe de ce saint, de ce soi-disant wali, ils vont aller dans la source, ils vont prendre cette eau-là, ils pensent que c'est de l'eau bénite. Ils vont aller là-bas, ils vont mettre ça dans des bouteilles, ils vont se laver avec, ils disent ça va nous guérir, ça va nous... Ça va guérir les maladies, ça va faire ça, ça va faire ça. Ils font des pèlerinages là-bas, ils font des mawasim, qu'ils appellent les mawasim, dans différentes régions là. À chaque année, dans différentes périodes de l'année, ils font ça. Donc il y en a qui disent, mais on n'a pas l'argent pour aller à Mecca, on ne peut pas faire le pèlerinage là-bas. Donc on fait le pèlerinage, visiter la tombe de ce wali, de ce cheikh. Hein? Au Sénégal, il y a les mourides. Chaque année, ils vont visiter la tombe de Ahmadou Bamba qui est enterré à Touba. Et ils ont une grosse mosquée là-bas. Hein? et il est enterré dans une des trucs de la côté de la mosquée là. C'est comme ils viennent là-bas, ils se prosternent devant ça. Ils font toutes sortes de bid'ah, de shirk. Hein? Il y a d'autres parmi les tijan, parce que les tijan ils disent nous on va juste chez les awliya tijan. On peut pas aller chez les awliya ou les shuyukh des autres turuq soufiya. Et ça c'est une condition, ils disent dans la tariqa tijaniya, si tu rentres dans la tariqa tijaniya, tu peux pas aller dans les awliya ou les shuyukh des autres turuq. Faut juste aller chez les awliya ou les sayyid de la tariqa. Eh bien, leur cheikh à eux, il est enterré à Fès, au Maroc, dans le nord. Hein? Et ils vont faire des pèlerinages à sa tombe aussi. La même chose. Tout ça, c'est des exemples de bid'a, de shirk. Et dans les autres pays, la même chose. Avec ça. Donc, ils les appellent Sidi, Asiad, Wali. Il les appelle un tel, yani. Donc il dit, si tu médites et tu regardes qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristique, ces gens-là que les gens considèrent comme étant des saints, ou des walis, ou des sayyids, tu vas voir que c'est des gens qui sont très éloignés de la réalité de qu'est-ce que c'est un wali. Et donc il dit, mon conseil pour mes frères musulmans, c'est de ne pas vous laisser tromper par les gens qui prétendent posséder, hein, cette wilaya, jusqu'à ce qu'ils aient comparé leur état avec ce qui est mentionné dans les textes du Coran et de la Sunna dans la description de qui sont les serviteurs rapprochés d'Allah, hein? Les prophètes d'Allah, les sahaba, hein? Comment ils étaient. Compare leur exemple et compare l'exemple des sahaba, tu vas voir tout de suite. Ces gens-là, ils n'ont rien à voir avec l'awliya. Le meilleur des croyants après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans cette umma, c'est qui? Hein? Qui? Abu Bakr al-Siddiq. Il n'y a personne dans cette umma. Personne qui peut être meilleur qu'Abu Bakr dans sa foi dans cette umma. Donc si par exemple tu regardes tous ces awliya, tu les compares à Abu Bakr, tu vois qu'ils n'ont rien à voir avec Abu Bakr Siddiq. Et pourtant ils prétendent parfois qu'ils sont plus élevés en piété que Abu Bakr Siddiq. Ou même parfois plus que les prophètes même. Oui, parce qu'ils disent que les awliya sont meilleurs que les anbiya. C'est grave, c'est grave. C'est du rouleau, vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'à un certain moment donné, le soufisme il a été mélangé avec la philosophie grecque, avec l'ésotérisme, les croyances philosophiques et ésotériques, c'est-à-dire les croyances secrètes, cachées. Ils ont mélangé à l'intérieur du soufisme toutes les formes de bid'a et de shirk des autres religions. Ils ont mélangé l'hindouisme dans le soufisme. Ils ont mélangé le bouddhisme dans le soufisme. Ils ont mélangé les philosophies grecques dans le soufisme. Ils ont mélangé toutes sortes d'idéologies, de shirk et de kofr dans le soufisme. C'est pour ça qu'ils disent, les soufis, ils disent, hein, il ne faut pas enseigner le soufisme à tout le monde. C'est juste certains parmi les initiés qui peuvent comprendre la réalité. Donc tu dois faire la bay'a, tu rentres avec dans la tariqa au début, tu vas rester avec le sheikh, tu vas être un mourid. Après, tu vas évoluer. Petit à petit, le sheikh il va te dévoiler des secrets de la tariqa. Mais à la fin, quand ils ont complètement mis ton cerveau en bouillie et que tu es devenu complètement un gaga, là, ils vont commencer à te dire toutes les bêtises et les faussetés, et là tu deviens complètement idiot dans leurs fausses croyances. Ils vont te raconter n'importe quoi. Donc, le cheikh il dit que parmi les versets qui décrivent la réalité du wali dans le Coran, le verset 31 dans sourate Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ. Ce verset qui signifie dit au Muhammad, si vous aimez réellement Allah, alors suivez-moi et Allah vous aimera. Ce verset est appelé en arabe Ayatul Imtihan, le verset de l'épreuve et du test. Donc, parce qu'il y a des gens qui ont dit, nous aimons Allah. Ils ont dit, nous aimons Allah. Ils ont prétendu ça. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre ce verset-là pour les mettre à l'épreuve, pour savoir s'ils aiment vraiment Allah. Que si quelqu'un, il prétend qu'il aime Allah, on regarde ses actions. Est-ce qu'il suit l'exemple du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? S'il le suit réellement, alors il est véridique. Mais sinon, on sait que c'est un menteur. Le deuxième verset, le verset 54 dans sourate Al-Ma'idah, les deux versets, 54 et 55. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ces versets-là, « Ya ayyuha alladhina amanu, man yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna. » أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ô vous qui avez cru, celui d'entre vous qui apostasie de votre religion, de sa religion, Allah, sachez que Allah va faire venir un peuple, hein, que Allah aime et qui aime Allah, qui sont humble envers les croyants et puissant et fier envers les mécréants, qui luttent, hein, dans le sentier d'Allah et qui ne craignent le blâme de personne, hein, devant, pour Allah. Donc ça c'est parmi les caractéristiques, et donc le cheikh il résume ces caractéristiques là. La première caractéristique dans ce verset là c'est qu'ils sont humbles envers les croyants, hein, donc ils ne font pas la guerre aux croyants. Et ils ne s'opposent pas aux croyants et ils ne les repoussent pas non plus. La deuxième caractéristique, c'est qu'ils sont fiers et puissants, hein, envers les mécréants, les koufars. C'est-à-dire ils sont forts, hein, et ils ont le dessus sur eux. La troisième caractéristique, ils luttent dans le sentier d'Allah, ils font le djihad, ils font des efforts pour combattre les ennemis d'Allah et élever la parole d'Allah. Et la quatrième caractéristique, ils ne craignent le blâme de personne, hein, dans la religion d'Allah. Hein? Donc si quelqu'un veut les blâmer parce qu'ils veulent pratiquer l'islam, eux, ça ne leur fait pas peur. Hein? Ça ne leur fait pas peur. Il n'y a rien qui va les empêcher de pratiquer leur religion. Le troisième verset, c'est le verset 62 et 63 dans Surat Yunus, qu'on a lu tout à l'heure, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, en arabe il dit, « Ala inna awliya Allah, la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. » Ça c'est dans le Coran. Puis la traduction du sens de ce verset, « Certes, les serviteurs rapprochés d'Allah, les awliya d'Allah, ils n'auront aucune crainte et ne seront point attristés. Ce sont ceux qui ont cru et qui ont fait preuve de piété, qui ont eu at-taqwa. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. » Allah subhanahu wa ta'ala, il clarifie dans ce verset-là que ces serviteurs rapprochés, ce sont ceux qui ont développé ces deux caractéristiques, qui ont la foi, al-iman, et qui ont at-taqwa, la piété. C'est-à-dire la piété, comme on l'a expliqué, de faire ce que Allah ordonne, de s'écarter de ce qu'il interdit, hein, et de chercher par cela à se protéger de son châtiment et par espoir à sa récompense. Donc la foi dans le cœur, la piété par le corps, et donc quiconque parmi les gens qui se prétend être un wali ou un saint ou un rapproché d'Allah, mais qui n'a pas ces deux caractéristiques-là, de la piété et de la foi, alors c'est un menteur. Et le cheikh, il a expliqué que aujourd'hui, les choses sont inversées. À notre époque, ou bien à l'époque du cheikh, les choses sont devenues le contraire. Hein? Allah al-musta'an. Que tu vas voir des gens qui prétendent, hein, la science et qui prétendent guider les hommes, et qui prétendent mémoriser ou préserver la religion, et pour lui, le wali, c'est celui qui ne suit pas les messagers, qui ne lutte pas dans le sentier d'Allah, et qui ne croit pas réellement en lui, et qui n'a pas de piété. Allah musta'an. Et il dit qu'il est bon de mentionner ici les paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans un livre qu'il a écrit et qui s'intitule Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan. C'est-à-dire le discernement, le livre s'appelle comme ça, le discernement entre les alliés d'Allah, ar-Rahman, le tout miséricordieux, et les alliés du Shaytan. Les awliya, parce que awliya ça veut dire allié, ça veut dire serviteur rapproché que Allah aime, et ça peut aussi vouloir dire les alliés. Et il faut savoir que awliya ça peut s'utiliser dans le bien quand c'est les awliya d'Allah, et ça peut aussi signifier les awliya du shaytan aussi, les alliés du diable, parce que le diable il a des awliya aussi. Allah il a des awliya et le shaytan il a des awliya. Alors des fois, les gens qui n'ont pas de science, ils n'arrivent pas à distinguer entre les deux catégories de awliya. Ils mélangent les awliya d'Allah et les awliya du shaytan. Ils prennent les awliya du shaytan pour des awliya d'Allah, et ils prennent les awliya d'Allah pour des awliya du shaytan, à cause de leur égarement et de leur ignorance. Donc le cheikh, il va citer quelques paroles de Cheikh al-Islam dans ce livre. Et ça, c'est un livre, mashallah, très très bénéfique, dans lequel le cheikh il réfute ces extrémistes et ces égarés parmi les soufis qui exagèrent avec les gens et qui prennent des alliés du shaitan comme awliya d'Allah. Donc il dit ici que Allah subhanahu wa ta'ala il a expliqué dans son livre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué qui sont les awliya parmi les hommes, qui sont les awliya d'Allah et qui sont les awliya du shaytan, parce que Allah il a des awliya et le shaytan il a des awliya, il a des alliés. Et il a expliqué clairement la distinction entre les deux. Allah a expliqué la différence entre les alliés ses alliés à lui, les awliya d'Allah ar-Rahman, et les awliya de ash-shaytan, le diable. Et il a dit dans le verset 62 à 64 dans sourate Yunus, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dhalika huwal fawzul azim. Donc Allah il a mentionné leurs caractéristiques, il a dit certes les awliya d'Allah, ils n'auront aucune crainte, ils ne seront point attristés. Ce sont ceux qui ont cru et qui ont fait preuve de piété. Ils auront la bonne nouvelle dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Aucun changement dans les paroles d'Allah. Et voilà la grande réussite. Et il a mentionné dans d'autres versets les awliya du shaytan. Et il dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. Donc ici dans ce verset, le verset 98 à 100 dans sourate An-Nahl, l'abeille, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne les awliya du shaytan. Il dit, lorsque tu récites le Coran, cherche refuge en Allah contre le shaytan rajim, shaytan le lapidé. Car il n'a certes aucune autorité sur ceux qui ont cru et qui mettent en leur Seigneur leur confiance. Il a uniquement une autorité sur ceux qui le prennent, comme, c'est-à-dire yatawallawnahu, ça vient du terme de al-wilaya, ils le prennent comme allié et qui associent avec lui, son mushrikun. Donc ici on voit la notion du fait que les le shaytan, il a des awliya, yatawallawnahu. Hein? Et le shaykh dit, فَيَجِبُ أَنْ يُفَرَّقْ بَيْنَ هَؤُلَا وَهَؤُلَا. Il faut faire la distinction entre les awliya d'Allah et les awliya du shaytan. Comme Allah et son messager ont fait la distinction entre les deux. Donc les awliya d'Allah, ce sont les croyants qui sont pieux. Ce sont ceux qui ont cru et qui ont wawalawhu, hein, ils l'ont pris comme allié, ils ont pris Allah comme protecteur et comme allié, et ils l'ont aimé, hein, ils ont aimé Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont aimé ce que Allah aime, et ils ont détesté ce que Allah déteste, et ils ont été satisfaits de ce que Allah ils ont été satisfaits de ce dont Allah est satisfait, et ils ont été enragés ou en colère contre ce qui met Allah en colère. Et ils ont ordonné ce que Allah a ordonné, et ils ont interdit ce que Allah a interdit, et ils ont donné à celui à qui Allah aime qu'on donne, et ils ont empêché, hein, ou ils se sont abstenus de donner à celui à qui Allah aime ne pas donner, ou bien aime plutôt qu'on s'abstienne de lui donner. Donc, quelqu'un ne sera pas un wali d'Allah, excepté s'il a cru en lui et en ce qu'il a amené comme révélation, et qu'il l'a suivi intérieurement et extérieurement. Tandis que celui qui prétend aimer Allah et être son allié et son serviteur rapproché, mais qui ne le suit pas, c'est-à-dire qui ne suit pas le messager, sallallahu alayhi wa sallam, alors il ne fait pas partie de ces awliya, il fait plutôt partie de ceux qui le contredisent parmi ses ennemis, les ennemis d'Allah et les alliés du shaitan. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 31 dans Surat Al-Imran qu'on a cité tout à l'heure, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ. Dit, si vous aimez réellement Allah, alors suivez-moi et Allah vous aimera. Donc les hommes, ils ont tous des degrés différents dans leur niveau de rapprochement vis-à-vis de leur Créateur. Les musulmans, on est tous dans des degrés différents. On n'a pas tous le même niveau de foi. On n'a pas tous le même niveau de piété. Donc, les awliya sont à des degrés différents. D'accord? Il y en a qui sont plus pieux et plus croyants. Et il y en a d'autres aussi parmi les ennemis d'Allah qui sont à des degrés différents de mécréance et d'hypocrisie. Il y en a qui sont plus égarés que d'autres dans leur opposition à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les awliya d'Allah sont de deux catégories dans le Coran. Il dit sabiqoun, muqarraboun wa ashab yamin muqtasidoun. Comme Allah subhanahu wa ta'ala les a mentionnés dans les versets dans Surat Al-Waqi'a au début, et dans la fin également, la fin de Surat Al-Waqi'a, il mentionne les degrés des awliya, ashab al-yamin, c'est ça, ashab al-yamin, et il mentionne aussi al-muqarraboun, hein, al-muqarraboun, les rapprochés. Puis il mentionne dans d'autres versets, السابقون dans الواقعه dit والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم. Et il mentionne واصحاب اليمين aussi les gens de la droite. Et dans l'autre verset il dit فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. Donc il y en a qui sont مقتصدون, c'est-à-dire ils font tout ce que Allah leur ordonne et ils s'écartent de tout ce que Allah a interdit, mais ils font rien de plus que ça. Hein? Et il y en a qui as-sabiqun bil khayrat, c'est-à-dire ils dépassent tous les gens dans le bien. Ils font plus, ils font les choses recommandées, hein? Les choses qui ne sont pas obligatoires, ils font plus que qu'est-ce qui est obligatoire, et parfois même ils vont délaisser des choses permises par crainte de tomber dans ce qui est interdit, et ainsi de suite. Et ils sont mentionnés aussi dans Surat Al-Insan, et dans Surat Al-Mutaffifin, et dans Surat Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne aussi. Comme le verset que j'ai qu'est-ce que j'ai dit يعني فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Donc ceux-là aussi sont mentionnés comme ça, c'est des degrés des gens, comment ils sont dans différents degrés dans leur dans leur proximité d'Allah et dans leur degré dans le paradis, et ainsi de suite. Donc les awliya d'Allah et les croyants qui sont pieux, ils auront donc des degrés différents dans le paradis selon leur foi et leur piété. Celui qui ne s'est pas rapproché d'Allah, qui n'a pas fait des bonnes œuvres et qui n'a pas délaissé les interdictions et les péchés, il ne fera donc pas partie des awliya d'Allah. Et il n'est pas permis à quelqu'un de croire qu'il est un wali d'Allah. En particulier, si tu vois que sa voix, si tu vois que sa voix c'est ça. Il y en a parmi les gens qui prétendent qu'ils sont des walis, ils basent leur religion sur des rêves, ou des visions, ils disent qu'ils ont vu. Alors, moi j'ai eu une vision, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'est apparu et il m'a dit que je suis un wali. Donc ça, ils pensent que ça y est, maintenant ils sont des awliya à cause de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'est apparu, il m'a révélé un secret, personne ne peut le connaître, juste moi, donc vous devez tous me suivre, je suis un wali d'Allah, et ainsi de suite. Alors qu'il ne pratique pas la sunna, il ne s'accroche pas à la religion, il ne s'abstient pas des interdictions, et ainsi de suite. Donc ça c'est des exemples. Tu voulais dire quelque chose? Non, c'est-à-dire que tous les musulmans qui sont croyants et qui sont pieux sont des awliya. Inch'Allah, tu es un wali d'Allah. C'est-à-dire tu fais ce qu'Allah t'ordonne, tu t'écartes des péchés. Donc, dans ce cas-là, tu pratiques la sunna, tu es un wali, inch'Allah. Mais chacun, il a un degré différent selon son degré de piété et de foi. D'accord? Mais ceux-là, il y en a qui se prétendent awliya eux-mêmes, ça c'est autre chose. C'est des charlatans des fois. C'est des charlatans, des menteurs. Et il dit, il n'est pas permis à quelqu'un de se baser uniquement sur des rêves pour déterminer qu'il est un wali. Même si on ne voit pas chez lui quelque chose qui vient en contradiction avec la foi et la piété, mais le fait que quelqu'un vienne et dit « Ah, j'ai vu dans un rêve des choses comme ça », ça c'est pas une preuve que tu es un wali, ou que tu as le droit de déclarer que tu es un wali à cause de ça. Donc si c'est quelqu'un qui contredit pas la foi et la piété, il n'a pas le droit de le prétendre. Que dire de celui qui n'est pas sur la foi et la piété? Qui prétend ça, c'est encore plus clair que c'est un égaré. Il dit comme par exemple si quelqu'un on sait de lui qu'il ne considère pas comme étant obligatoire de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam intérieurement et extérieurement, plutôt il s'imagine que la religion, le Coran, il a un côté apparent et un côté caché. Ça, c'est ce que les soufis, ils croient. Ils disent le côté apparent de la religion, ça c'est la charia. Qu'est-ce que tous les musulmans pratiquent? Qu'est-ce qui est obligatoire? Qu'est-ce qui est interdit? Et ainsi de suite. Le fiqh, ça c'est la charia. Mais pour eux, pour les soufis, il y a un côté caché de la religion qui s'appelle al-haqiqa, la réalité, hein, derrière la charia. Et eux, ils disent, nous, on est libérés de la charia parce qu'on a atteint la haqiqa. Et donc, on n'est plus restreint par la charia. On n'est pas obligé de faire ce qui est obligatoire. Et on n'est pas obligé de s'abstenir de ce qui est interdit. Parce qu'on a atteint al-yaqin. On a atteint la certitude, soi-disant. Tout ça, c'est des exemples. Hein? On n'est pas obligé de suivre l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que nous, on a un chemin direct avec Allah. On a une connexion directe avec Dieu. On n'a pas besoin de passer par les messagers et les prophètes. Hein? Ça fait partie des exemples. Il y en a parmi les soufis qui disent ça. Ils disent, ah, nous, on voit directement ce qui est écrit dans Allah al-Mahfouz, les tables préservées. Ou bien Jibril, il descend vers nous, il nous apprend la religion. On n'a pas besoin de passer par le Coran et la Sunna. Jibril, il nous apprend directement. Hein? Pas besoin d'un prophète, nous. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils pensent qu'ils sont meilleurs que les prophètes. Allah al-Musta'an. Et donc, celui qui pense qu'il n'a pas besoin, c'est pas obligatoire de suivre le messager intérieurement et extérieurement, mais qui pense que la charia c'est pour le commun des musulmans, hein, puis qu'eux ils ont quelque chose qui est caché, qui est la haqiqa, et qui croient que les awliya d'Allah, ils ont un chemin pour aller à Allah direct sans passer par les prophètes, hein, et par la science qui vient des prophètes, c'est-à-dire sans se référer aux messagers d'Allah et aux prophètes pour connaître Allah et la religion et comment adorer Allah. Alors ça c'est de l'égarement. C'est pour ça que vous voyez que les soufis, par exemple, ils ont toujours inventé toutes sortes de bid'ah. Et ils pratiquent toutes sortes de différentes prières et différentes formes de dhikr. Et pourquoi ils dansent et ils sautent dans la mosquée et ils font toutes sortes de mouvements, soi-disant ils prétendent que ça c'est du dhikr. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils croient qu'ils ont découvert ou qu'ils ont reçu ces différentes formes de dhikr ou ces différentes formes de prière directement d'Allah, ou bien qu'ils ont découvert ça par eux-mêmes sans passer par les prophètes. Donc pour eux, c'est des choses qu'il faut suivre parce que c'est eux qui ont reçu ça. Même si c'est en contradiction totale avec l'islam et avec la sunna. Allah al-Musta'an. Et donc, si vous voyez des gens comme ça, ces gens-là, s'assoient dans la mosquée, commencent à faire leur dhikr, vous leur dites, mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est écrit ça dans le Coran? Est-ce qu'il y a un hadith authentique qui mentionne ça? Montrez-moi le hadith. Hein? Ils n'ont pas de preuves. Alors, ils vont commencer à te raconter des histoires. Hein? Parce qu'ils n'ont pas de preuves. Une fois, je suis rentré dans une boutique, une librairie, ça c'est au début, quand je venais juste de me convertir à l'islam. Il y avait une librairie qui était pas loin de la mosquée ICQ à Ville-Saint-Laurent. Et c'était un soufi, Naqshbandi, qui avait cette librairie-là. Mais dans sa librairie, il y avait des livres soufis, mais il y avait aussi d'autres livres qui n'étaient pas... Soufi, en tout cas, j'allais pour essayer de trouver des livres sur l'islam. Puis, c'était des livres en anglais, puis en français. Il y avait quelques livres en français aussi. Et je suis rentré une fois, puis en arrière du magasin, il y avait comme des paravents. Hein. Puis, j'entendais comme un bruit. Quand je suis rentré, il n'y avait personne à la caisse, il n'y avait personne en avant. Et j'entendais comme un bruit en arrière, ça faisait comme... Comme une scie. Vous avez déjà entendu des gens quand ils scient, ils sont en train de scier un arbre avec une scie à main comme ça. Ça faisait comme un bruit de scie, là, comme ça. Là, je les ai vus tout d'un coup quand j'ai dit « Allô, il y a quelqu'un ?» Puis là, le vendeur, le gars, le soufi, là, il est sorti. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce bruit? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Il a dit, ça là, c'est les dhikrs qu'on fait en Afghanistan. Ils étaient en train d'écouter ça. Puis il dit, les soufis en Afghanistan là, ils font ce dhikr-là, après ça, ils vont manger les Russes. J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai dit, des dhikrs qui font le bruit comme des scies, ils pensent que c'est ça le dhikr. D'où est-ce qu'il a trouvé ça? Hein? Après, j'ai trouvé les photos, plein de photos. Il y avait des photos d'un vieux monsieur avec la barbe, comme ça, plusieurs photos comme ça de personnages. J'ai dit, c'est qui ces gens-là? Dit, ah, ça, c'est nos chouyours. Hein? J'ai dit, mais les photos, c'est haram dans l'islam. Il m'a dit, ah, t'as beaucoup de choses à apprendre, toi. Hein? T'as beaucoup de choses à apprendre. Il dit, Allah Musta'an. Il dit, nous, quand on prie là, on passe par, on regarde la photo, on met la photo devant nous, puis on se concentre pour aller à Dieu. Il dit, Subhanallah. Après, il m'a dit, viens, je t'amène avec ma voiture, je vais te laisser au métro, parce que j'habitais loin. Je vais t'amener jusqu'au métro, comme ça, ça va te rapprocher. Hein? Parce que le métro, Henri Bourassa, c'est loin de ICQ. Alors, je rentre dans sa voiture, je vois, il y a une autre photo de son cheikh dans la voiture aussi. Je dis, même dans ta voiture, tu mets le cheikh? Il dit, oui, je dois toujours rester connecté avec mon cheikh. Il dit, ah, ouzoubillah. J'ai dit, vous êtes comme des chrétiens, hein? J'ai dit, c'est pire même. Il a dit, fais attention, tu vas devenir wahhabite. Hein? T'interdis le shirk, t'es un wahhabite, déjà. Allah musta'an. Donc c'est comme ça les gens. Allah musta'an, le shirk, comment ils défendent l'égarement comme ça. Donc le shaykh, il dit donc que celui qui essaie de prétendre qu'il est un wali de cette façon, puis il ne fait même pas les actes obligatoires, il ne s'écarte même pas de ce qui est haram. Ça, il y a des choses comme ça chez les soufis. Même qu'il va faire même des choses qui sont en opposition avec la religion. Puis les gens disent, ah, lui, c'est un wali. Il n'a rien à voir avec le wali, lui. Hein? Et en même temps, le cheikh, il dit que les awliya, il n'y a rien qui les distingue dans leur apparence extérieure, dans les choses permises de la dunya, il n'y a rien qui les distingue des autres musulmans. C'est-à-dire, en apparence, ils sont indistinguables du reste des musulmans. C'est-à-dire, il n'y a pas un vêtement particulier que tu dois porter pour dire que tu es un wali. Hein? Tandis que chez eux, non, c'est différent. Les awliya, soi-disant, ils doivent s'habiller d'une façon différente. Quand tu les vois, tu dis, ah, ça c'est les awliya. Ils ont porté le vêtement des awliya. Hein? Ça, c'est un exemple. Tandis que tu vois à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'habillait pas différemment du reste des sahaba. Et les sahaba, ils ne se distinguaient pas les uns parmi les autres, comment ils s'habillent pour dire, lui il est plus pieux, lui il est plus pieux que l'autre. Non, tout le monde s'habille normal. Il n'y a pas de différence. Hein? Et il dit que ce n'est pas non plus une condition pour être un wali d'Allah que tu sois infaillible, que tu fasses aucune erreur, que tu fasses aucun péché, hein? Que tu ignores pas rien de la religion. C'est-à-dire que tu dois connaître tout. Non, ça c'est faux. La différence par contre, c'est que si quelqu'un parmi les awliya d'Allah fait un péché, il va se repentir. Il ne va pas persister et continuer à le faire. Il dit, et c'est pour ça que le wali, c'est possible qu'il fasse des erreurs. Et ce n'est pas non plus obligatoire aux gens de croire tout ce qui sort de sa bouche. Quand quelqu'un est un wali, ce n'est pas obligatoire que les gens, tout ce qui sort de sa bouche, tu es obligé de l'accepter ou de le croire. Non, il peut se tromper. Hein? Il n'est pas un prophète. Hein? C'est un homme pieux, c'est tout. Donc tout ce qu'il fait, il faut le ramener au Coran et à la Sunna pour savoir est-ce que c'est correct ou non. Si c'est en accord avec le Coran et la Sunna, on l'accepte. Si c'est en contradiction avec le Coran et la Sunna, on le rejette. Hein? C'est comme ça. Il dit donc les gens par rapport aux catégories, hein, des awliya, ils sont de trois exemples. Deux extrêmes puis le juste milieu. Il y en a, quand ils croient que quelqu'un est un wali, ils sont d'accord avec tout ce qu'il dit. Hein? Tout ce qu'il parle, il dit, il pense que c'est correct. Et tout ce qu'il fait, il pense que ça c'est correct. Et il y en a d'autres, s'il voit quelqu'un parmi les awliya ou quelqu'un qui est pieux, il le voit faire une erreur, il le fait complètement sortir de l'wilaya. Lui, il est perdu, ça y est, il est plus... Hein, même si l'erreur qu'il a fait, c'est un ijtihad. Hein, il a fait son erreur dans l'ijtihad. Donc, il dit le juste milieu, c'est entre ces deux extrêmes, de ne pas prendre le wali comme étant infaillible, qui ne peut pas se tromper, même dans des ijtihads, et de suivre tout ce qu'il... et de ne pas non plus suivre tout ce qu'il dit, et de prendre tout ce qu'il fait, ou de juger qu'il est dans le kufr ou dans la perversité à cause d'une erreur qu'il a fait ou un ijtihad qu'il a fait. Donc il faut que c'est l'obligation pour les gens, c'est de suivre ce que Allah a envoyé et ce que son messager a amené. Et il dit que les salafs et les imams de la religion, ils ont tous été d'accord sur le fait que toute personne, on peut prendre sa parole ou la laisser, excepté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne, on peut prendre sa parole ou la laisser, excepté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le seul que tu es obligé de prendre tout ce qu'il dit, parce que tout ce qu'il dit est vrai. Tandis que les autres, ils peuvent dire vrai comme ils peuvent se tromper. Et donc ça, c'est la différence entre les prophètes et ceux qui ne sont pas des prophètes. Hein? Donc il est obligatoire de croire en tout ce que les prophètes ont dit à propos d'Allah et de leur obéir dans tout ce qu'ils ont ordonné. Contrairement aux awliya, il n'est pas obligatoire de leur obéir dans tout ce qu'ils ordonnent, ni de croire en tout ce qu'ils font ou tout ce qu'ils disent. Mais plutôt, quand ils font quelque chose, on va le mettre à côté du Coran et de la Sunna. Si c'est en accord, on l'accepte. Si c'est en contradiction, on le rejette, même si la personne fait partie des awliya. Et s'il fait partie des awliya et qu'il fait un ijtihad et qu'il se trompe, il est excusé, hein, parce que c'est un savant, il a fait un effort pour trouver la vérité. Et s'il s'est trompé, il est récompensé pour ça quand même. Mais s'il contredit le Coran et la Sunna, on va dire il est dans l'erreur. Et son erreur est pardonnée. Hein? Parce qu'il a fait son effort, il a craint Allah le plus qu'il pouvait, mais il n'a pas pu avoir raison ou trouver la vérité. Donc, il est excusé pour cette erreur-là. Il dit, ça c'est ce que j'ai mentionné à propos des awliya. Le cheikh il dit, c'est obligatoire pour eux de s'accrocher au Coran et à la Sunna. Si quelqu'un il est un wali, rapproché d'Allah, c'est obligatoire pour lui de s'accrocher au Coran et à la Sunna. Hein? Il peut pas, il n'est pas infaillible, hein? Et il n'est pas permis pour lui de suivre tout ce qu'il a comme idée ou pensée sans tenir compte du Coran et de la Sunna. Et ça, c'est la chose sur laquelle tous les vrais serviteurs rapprochés d'Allah ont été d'accord. Donc, si quelqu'un contredit ça, il ne fait pas partie des awliya d'Allah, que Allah a ordonné de suivre leur exemple. Au contraire, même, hein, c'est soit un kafir, ou soit c'est quelqu'un qui est dans l'égarement et l'ignorance totale. Il dit beaucoup de gens, ils se trompent à ce sujet-là. Et ils pensent qu'une personne, si c'est un wali, hein, ils pensent qu'une personne est un wali, par exemple, ou bien ils pensent que du fait qu'il est wali, qu'on doit tout accepter ce qu'il dit, et accepter de lui et se soumettre à tout ce qu'il dit, et être d'accord avec tout ce qu'il fait, même si c'est contraire au Coran et à la Sunna. Ça, c'est pas vrai. Donc, si c'est en accord avec le Coran et la Sunna, et ce que Allah a ordonné à toutes les créatures, hein, il dit, Il dit, s'il contredit ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à toute la création dans ce qu'il a donné comme information sur la religion ou dans ce qu'il a ordonné de faire comme commandement, eh bien là c'est clair qu'il est dans l'erreur, il est dans l'égarement. Et c'est ça qui est le discernement pour savoir qui sont les vrais awliya d'Allah et qui sont les ennemis d'Allah. Entre les gens du paradis et les gens de l'enfer, entre les heureux et les malheureux, entre celui qui suit réellement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parmi les pieux et qui font partie des régiments et de l'armée, des gens qui auront le succès parmi les serviteurs vertueux d'Allah, de ceux qui ne l'ont pas suivi parmi les ennemis d'Allah qui sont les perdants et les criminels. Donc cette contradiction du messager sallallahu alayhi wa sallam, ça l'amène à être en accord avec cette personne, et ça va l'amener à la bid'a, et ça va l'amener à la fin peut-être même jusqu'au kufr et à l'hypocrisie. Et il dit, tu vois, beaucoup de ces gens là ils prennent ces individus qu'ils considèrent comme étant des awliya, comme des références et des bases dans leur religion, hein? Et du fait qu'ils ont par exemple fait des miracles. Des fois c'est pas des miracles, c'est juste de la sorcellerie qu'ils font, hein? Parmi les sorciers là et les marabouts, hein? Ils font des trucs et les gens ils voient ça et disent, ah, ça veut dire que c'est un wali. Non, ou bien il prétend qu'il a des rêves, hein, des choses comme ça, puis les gens ils disent, ah, lui c'est un wali. Donc le chef il dit, il n'y a rien dans ça qui indique que la personne en question est un wali. Quelqu'un peut faire des choses prodigieuses, des actes hors de l'ordinaire, hein? Ça ne veut pas dire qu'il est un wali. Des fois c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala il a donné à quelqu'un pour l'éprouver et pour éprouver les gens, hein? Tu vas en trouver même parmi les kuffar et les mushrikines, des fois qui ont des dons comme ça, qui sont capables de faire des choses, hein, miraculeuses, ou bien disons plutôt des prodiges, hein? Tu vas dire que parce qu'ils sont des juifs et des chrétiens, ou des mushrikines même, que ça c'est correct, qu'est-ce qu'ils font? Ou bien parce qu'ils font ça, ce sont des awliya? Non, hein? Ce ne sont pas des awliya, c'est des kuffars et des mushrikines. Donc le fait qu'un musulman soit capable de faire ça, ça ne prouve pas qu'il est un wali non plus. Hein? Et le cheikh il dit, si tu vois, même les salafs ils disaient ça, si tu vois un homme qui vole dans les airs, qui marche sur l'eau, hein? Il dit, ne sois pas trompé par lui jusqu'à ce que tu vois s'il suit le messager d'Allah et qu'il est en accord avec son commandement et qu'il s'écarte de ce qu'il a interdit. Regarde, même s'ils disent justement de Ahmad Oubamba, ils disent il marchait sur l'eau, il a marché sur l'eau, hein? Il a prié sur l'eau, il a mis son tapis sur l'eau puis il a prié, hein? Donc c'est ça, les ulama ils disent, regarde, est-ce qu'il est en accord avec le Coran et la Sunna? Ça veut rien dire, même s'il vole, tu le vois voler comme ça, ah, ça c'est un wali, ah, non, ça veut rien dire. Peut-être que c'est un shaitan qui le fait voler, peut-être qu'il y a un djinn qui le tient, qui l'amène dans les airs comme ça pour égarer les gens. Tu ne dois pas, hein, te laisser tromper par ça. Cheikh il dit donc, ces choses là c'est possible que la personne soit un wali, c'est possible qu'il soit un ennemi d'Allah aussi, il faut voir, hein. Il dit c'est des choses qui peuvent se passer même de la part des koufars et des mouchriquins, des juifs et des chrétiens et des hypocrites et des gens de bid'a, hein, et des shayatines, des diables. Donc il n'est pas permis de croire que tout ce que ces gens-là peuvent faire de ces choses-là, ça veut dire automatiquement que la personne en question c'est un wali, hein, ou un saint d'Allah. Il faut considérer ses caractéristiques, il faut considérer ses actions, il faut considérer son état, est-ce qu'il est supporté par les preuves du Coran et de la Sunna, hein? Et c'est comme ça qu'on peut, hein, connaître les choses par la lumière de la foi, du Coran et de la réalité de la foi intérieurs et les principes extérieurs de la religion de l'islam. Et donc les salafs, ils ont tous été d'accord, les imams de l'islam, que les awliyas d'Allah, ils sont meilleurs que les prophètes, ils sont pas meilleurs que les prophètes. Hein. Tous les awliyas d'Allah, ils sont d'accord que les prophètes sont meilleurs que les awliyas. Hein. Et que, ne sont pas des, que les awliyas ne sont pas des prophètes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi les croyants en différents degrés, en quatre degrés. Et il dit dans le Coran, le verset 69, dans Surat An-Nisa, il mentionne ces quatre degrés. Il dit: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Donc c'est ça les quatre degrés parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont ceux sur qui Allah a mis sa grâce. Les prophètes, les véridiques, les témoins, les martyrs et les pieux, les vertueux. Donc, le cheikh, il dit, ils peuvent avoir des prodiges. Allah subhanahu wa ta'ala peut parfois leur permettre à ses serviteurs pieux et rapprochés de faire certains prodiges, des actes extraordinaires. Hein? Comme c'est arrivé à certains d'entre les serviteurs rapprochés d'Allah. Pour que ce soit une preuve pour supporter la religion et encourager, confirmer la véracité de la religion. Et une preuve pour les musulmans. Comme les miracles étaient des preuves pour les prophètes, les karamates des awliya sont obtenues par la bénédiction de suivre le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elles sont en réalité des choses qui rentrent dans les miracles des prophètes. Hein? Elles font partie des miracles des prophètes. Et il dit, parmi les choses qu'il faut savoir, c'est que les karamates peuvent être également selon le besoin de la personne aussi par rapport à la faiblesse de sa foi. Peut-être qu'il a besoin de quelque chose pour raffermir sa foi, donc Allah lui permet de faire ces prodiges-là. Donc en réalité, ce n'est pas un signe de force dans sa foi, c'est plutôt le contraire. C'est un signe que sa foi est faible. Il a besoin de ça pour la raffermir, hein, et pour combler son besoin. Et pourquoi? La preuve de ça, c'est quoi? C'est qu'il y en a, qui ont été meilleurs dans leur foi et qui n'ont pas eu de ce genre de karamat parmi les sahabas. Hein? Ils n'ont pas eu besoin de ça. Donc, s'ils obtiennent la possibilité ou le fait de pouvoir faire des karamats, ça ne veut pas dire qu'ils ont un degré plus élevé dans leur foi que les autres. Hein? Mais uniquement, donc, il y en a d'autres qui étaient meilleurs qu'eux et ils n'ont pas eu ce genre de karamats. C'est pas parce qu'ils ont moins de piété ou qu'ils sont moins proches d'Allah que les autres. Et il dit donc qu'on voit que certaines choses qui sont apparues chez les tabi'in, qu'on n'a jamais entendu chez les sahaba. Pourtant, les sahaba sont meilleurs que les tabi'in. Hein? Donc ça, c'est un point important à comprendre aussi. Puis il dit ensuite que les gens, par rapport aux prodiges et aux choses qui sont hors de l'ordinaire, que les gens peuvent faire parfois, il y en a différentes catégories. Une catégorie, hein, il y en a des gens qui nient ça. Ils disent non, si ce n'est pas des prophètes, ils ne peuvent pas faire de prodiges ou des choses miraculeuses. Hein? Et peut-être qu'ils vont croire de façon globale, mais ils vont démentir des choses qui leur sont mentionnées de la part de certaines personnes. Hein? Parce que selon eux, ils ne font pas partie des awliya. Il y en a d'autres qui pensent que toute forme de chose extraordinaire qui est faite de la personne, ça prouve que c'est un wali d'Allah. Et ces deux positions sont erronées. Celui qui démentit tout ce qu'il voit comme karamat, et celui qui pense que tout ce qu'il voit c'est des karamat. Les deux c'est des positions extrêmes, incorrectes. Et il dit c'est pour ça que tu vas trouver qu'ils vont mentionner que les mouchriquines et les gens du livre, hein, c'est ça, les chrétiens, ils pensent qu'ils ont des awliya qui les aident à combattre les musulmans aussi. Les saints, ils demandent l'aide des saints pour, à leurs saints pour combattre. Une fois, j'ai lu ça dans un livre, une fois, les chrétiens, ils mentionnaient que, dans un livre historique, ils mentionnaient que quand ils ont eu une guerre contre des musulmans, ils ont demandé l'aide de la Vierge Marie pour pouvoir pour être capable de combattre les musulmans. Allah musta'an. Donc, ils font le shirk avec Maryam, Allah al-Musta'an, pour demander son aide pour combattre les musulmans. Donc, Allah al-Musta'an, wa annahum min awliya, wa ulaika yukadibuna, an yakuna ma'ahum man lahu kharqu 'ada. Donc, il dit la position correcte dans cette position-là, c'est la position, la troisième position, c'est-à-dire que هو أن معهم ما ينصرهم من جنسهم ولا من أولياء الله. يعني ils ont avec eux des gens qui peuvent de leur catégorie qui peuvent les aider, mais qui ne sont pas parmi les awliya d'Allah. En tout cas, ça c'est qu'est-ce que le cheikh a mentionné par rapport à ce cinquième fondement. En ce qui concerne le sixième fondement qui est le dernier, c'est une shubha que le cheikh réfute. Par laquelle le shaitan a réussi à faire abandonner à certains le Coran et la Sunna, et ils l'ont remplacé par le fait de suivre les opinions et les passions des gens. Donc cette shubha, on va l'expliquer qu'est-ce que c'est. Il dit raddu shubha, donc de réfuter la shubha que le shaitan a établie, qui fait en sorte que les gens délaissent le Coran et la Sunna pour suivre au lieu du Coran et de la Sunna les opinions et les passions divergentes. Et cette shubha, c'est quoi? C'est le Coran et la Sunna ne peuvent être connus ou compris que par le mujtahid mutlaq, le savant qui a atteint le degré absolu dans la connaissance et la compréhension de la religion. Mais en dehors de lui, personne ne peut comprendre directement les textes du Coran et de la Sunna. Et ils vont mentionner au sujet de ce mujtahid mutlaq des caractéristiques et des descriptions que tu ne pourras même pas trouver complètes chez Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma, parmi les meilleurs sahaba. Si une personne ne fait pas partie de ceux qui sont dans cette catégorie que eux ils ont déterminée, alors il doit complètement se détourner du Coran et de la Sunna. Allah al-Musta'an. Et il ne doit pas essayer de chercher la guidance directement du Coran et de la Sunna, sinon c'est un hérétique et un fou. Parce que c'est très difficile. Ils disent le Coran, la Sunna, c'est très difficile à comprendre, donc il ne faut même pas essayer. Donc laisse de côté le Coran et la Sunna. Allah musta'an. Donc ça c'est, il dit, subhanallah wa bihamdi. Et il dit, combien de preuves sont venues que Allah a clarifiées, par lesquelles Allah a clarifié dans la révélation et dans la réalité de la vie, la fausseté de cette shubha, qui est en réalité une malédiction de plusieurs points de vue. Et ça a été clarifié de différentes façons. Il dit, mais la plupart des gens ne savent pas, malheureusement. Il dit, لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Donc il a cité les versets dans sourate Yassine, les versets 7 à 11. En effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée. Ils ne croiront donc pas. Nous mettrons des carcans à leur cou et il y en aura jusqu'au menton. Et voilà qu'ils iront tête dressée et nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux et nous les recouvrirons d'un voile et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Cela leur est égal que tu les avertisses et que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront jamais. Tu avertis seulement celui qui suit le rappel, le Coran, et qui craint le tout miséricordieux malgré qu'il ne le voit pas. Annonce-lui un pardon et une récompense généreuse. Donc ça, c'est ce qui vient conclure la Risala, le sixième fondement. Puis on a le temps avant le Adhan, plutôt avant entre le Adhan et l'Iqama, de compléter quelques points de ce que le chef a expliqué à ce sujet-là. Pour expliquer que l'ijtihad, premièrement, c'est de faire un effort pour arriver à faire quelque chose qui est difficile et lourd. Et selon ça, c'est dans la langue, hein, linguistiquement. Tandis que dans la religion, la signification de l'ijtihad, c'est de faire un effort pour arriver à connaître un verdict religieux dans la charia. Et l'ijtihad, il a des conditions. C'est-à-dire, pour arriver à faire l'ijtihad, il faut respecter certaines conditions. Premièrement, connaître les preuves de la charia qui sont nécessaires pour pouvoir faire son ijtihad, comme les versets et les hadiths qui parlent des règles de la religion. Deuxièmement, de connaître l'authenticité et la faiblesse des hadiths et de connaître les chaînes de transmission des hadiths et les narrateurs. Troisièmement, de connaître ce qui est abrogeant et abrogé, et de connaître les différents consensus qui ont été établis dans la religion pour être capable de savoir ce qui est abrogeant et abrogé, et pour connaître l'ijma. Quatrièmement, de connaître les preuves sur lesquelles il y a des divergences dans les jugements, et les choses qui sont générales et qui sont spécifique et restreinte. Le cinquième, il faut connaître la langue arabe, la grammaire, hein, les fondements de la langue arabe classique, les fondements du fiqh, usulul fiqh, qui sont reliés à la signification des mots et leur implication, qu'est-ce qui est spécifique, qu'est-ce qui est général, qu'est-ce qui est restreint, qu'est-ce qui est non restreint, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est clarifié, qu'est-ce qui est en tout cas c'est mujmal al-mubayyin al-mujmal, je pourrais pas expliquer ça ou traduire ça de cette façon-là, mais bon, c'est juste pour faire comprendre les conditions de l'ijtihad. Il faut connaître ces choses-là et tout ça c'est relié au usul al-fiqh, fondement du fiqh, al-mutlaq wal-muqayyad, al-khas wal-am, al-mujmal wal-mubayyan. Sixièmement, avoir la capacité d'extraire des textes les verdicts. Qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce qui est makruh, qu'est-ce qui est mustahab, et ainsi de suite. Et il explique également le cheikh que al-ijtihad yatajazza, c'est-à-dire que quelqu'un n'est pas nécessairement obligatoire de pouvoir faire l'ijtihad dans tout qu'est-ce qui est dans la religion au complet. Quelqu'un peut être mujtahid dans certaines parties de la religion et non dans d'autres, ou dans certains domaines et non dans d'autres. D'accord? Et c'est pour ça que les ulama, ils distinguent par rapport aux mujtahidin. Il y en a qui sont des mujtahidoun dans toutes les questions religieuses, dans tous les aspects, tandis qu'il y en a d'autres qui sont mujtahid dans certains aspects seulement. D'accord? Et aussi, ça, par rapport à ce sujet-là, il y a un sujet qu'on appelle at-taqlid. At-taqlid, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un n'est pas capable de connaître les preuves et de comprendre la preuve d'une question, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va suivre l'opinion d'un savant ou d'un mujtahid. Et celui qui fait le taqlid, en général, c'est le commun parmi les musulmans qui n'a pas de science, qui ne connaît pas la religion. Lui, il se réfère à l'opinion d'un savant. Parce que Allah dans le Coran, il dit « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun » Demande à ceux qui savent si vous ne savez pas. Donc son obligation à lui, c'est de se référer aux savants et de demander. Tandis que si quelqu'un il est mujtahid, il ne doit pas faire de taqlid. D'accord? Il ne doit pas faire de taqlid s'il a du ilm. Naam. Donc ça c'est qu'est-ce que le cheikh a expliqué. Puis ça, en même temps, c'est pour comprendre par rapport à ce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a expliqué par rapport à cette shubha. Hein, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a fait en sorte qu'il soit clair et que les gens puissent le comprendre facilement. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ » Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos du Coran il dit bilisan en arabi mubin, il est descendu en langue arabe claire. Tout ce qui a rapport avec les fondements du tawhid et de l'adoration d'Allah et du shirk, ça a été clarifié d'une façon simple et claire. Tous les musulmans sont capables de le comprendre. Même si quelqu'un n'est pas un alim. Hein? Donc, c'est pour cette raison-là que si tu dis aux gens, n'étudiez pas le Coran, n'étudiez pas la Sunna, référez-vous, c'est seulement les mujtahidoun, mutlaq, qui peuvent le comprendre. Vous ne pouvez pas le comprendre. Ça, c'est en réalité parce qu'ils veulent, la vérité, c'est qu'ils veulent détourner les gens de la révélation pour les ramener à suivre ce qu'eux-mêmes ont établi comme principe et comme règle qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. D'accord? Donc ça c'est ce qui résume les 6 fondements. Donc j'ai fait mon possible pour essayer de traduire les paroles du Cheikh Ibn Uthaymeen de la meilleure façon. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu wa ja'ala dhalika fi Mizani hasanatihi yawm al-qiyama. Et si j'ai dit quelque chose qui est vrai et qui est bien, alors ça vient d'Allah. Et si j'ai dit quelque chose qui est incorrect ou erroné, alors ça vient de moi-même et du shaytan. Et comme on dit en conclusion, subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عبد الحكيم, je t'avais pas vu, je t'attendais en fait.